Chers auditrices et auditeurs, bienvenue en ce 56 mars, place de la République, sur Radio Debout. Nous sommes entourés d'une centaine de personnes, puisque une grande partie de l'Assemblée Générale est partie vers Odéon pour soutenir les intermittents qui sont retranchés dans le théâtre de l'Odéon. On en prendra des nouvelles bientôt. On va vous annoncer un petit peu le programme d'une part de cette semaine. Cette semaine de mars passera peut-être en mai, on saura ça d'ici quelques jours. Cette semaine est une semaine de délocalisation. Nous partirons à La Réunion avec Antoine demain, mardi. Nous partirons ensuite à Lyon. L'équipe de Radio Debout se délocalise à Lyon avec la méga combi Radio Canut ainsi qu'un certain nombre d'amis sur la place Guichard. Et à partir de dimanche, nous enchaînons sur une délocalisation spatiale, spatio-temporaire, une ellipse, puisque nous allons enchaîner 12 heures de programme, 12 heures de midi à minuit, de 14 heures à 2 heures du matin, en fonction de la météo, en fonction du fait que l'on passe en mars ou que l'on reste en mai ou l'inverse. À côté de moi, Lise Marie, qui va nous parler un petit peu de la situation à Odéon. Qu'est-ce que tu as comme nouvelle d'Odéon? Ce que j'ai eu, c'est que les gens ont dormi là. Il y a eu quoi, une centaine de personnes qui ont passé dans la nuit hier avec le ravitaillement. Donc des couvertures, etc. Ils sont restés aujourd'hui. Il y a eu un encerclement CRS. Donc, je récapitule. Il y a des intermittents qui se sont retrouvés à Varennes, qui sont venus en manif sauvage pour rejoindre le théâtre de l'Odéon. Et donc, quand ils sont arrivés, ça a un petit peu carrément bien chauffé. Donc, des CRS ont commencé à gazer certaines personnes et puis à matraquer certains collègues. Il y a toujours à l'intérieur de l'Odéon pour l'instant des gens. Il semblerait qu'ils voulaient les évacuer également, mais on en saura plus dès qu'on sera en contact avec l'intérieur du théâtre. Et magie de la radio, oui, parce qu'à Radio Debout, nous croyons encore à la magie de la radio, qu'elle soit filmée ou plutôt non. Nous rejoignons quelqu'un, Emmanuel Manu, de Radio Grenouille, l'un des correspondants de Radio Debout qui se trouve actuellement sur la place de l'Odéon. Allô Manu? Oui. Merci. Oui, monsieur. Effectivement, devant le théâtre de l'Odéon, depuis maintenant hier, il y a une vingtaine de personnes qui ont fait le théâtre. Et devant le théâtre, il y a à peu près 300 personnes sous le puits. Tout à l'heure, vers 18h30, vers 18h30, une manifestation d'à peu près 500 personnes rejoint la place. Sur la police ou les organisateurs, parce qu'on a dit 150 personnes avaient rejoint la place. Alors, il y a eu 150 personnes, mais après une grosse manif est arrivée, où là il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde qui venait du ministère de Travail. Et donc une sorte de place de petite AG tenue devant le théâtre. Mais depuis tout à l'heure, il y a eu quelques charges assez lentes de la police. Bien sûr, les gens ont tenté de rentrer à l'intérieur du théâtre, et puis la police a repoussé les gens, qui fait que maintenant, le parvis devant le théâtre est libre. Nous sommes, sur la route qui fait la chaussée, qui fait le tour du théâtre. Il y a à peu près maintenant 300 personnes, à peu près 250-300 personnes en masse qui attendent, qui espèrent pouvoir faire face en solidarité avec ceux qui sont à l'intérieur et espèrent pouvoir peut-être pouvoir rentrer dans le théâtre car il est demandé que le théâtre soit ouvert. Alors, on n'a pas de retranscription ce soir de l'âge de Radio Debout, évidemment. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi, quels sujets sont évoqués lors de cet AG Place de l'Odéon? Alors, cette AG est surtout tenue autour de la question, disons, du régime des habitants et du régime chômage, la négociation qu'il y a à l'heure actuelle pour du régime d'assurance chômage. C'est beaucoup sur ces points-là que s'est tenue l'AG. Avec notamment les problèmes liés aux années des intermittents du spectacle, et puis aussi concernant la précarité des chômeurs, et particulièrement le levier et les concessions que ce que veut le MEDEF, c'est porter la responsabilité évidemment du déficit de l'assurance chômage sur les plus pauvres d'entre nous. Alors il y a plusieurs commissions, ou est-ce qu'il y a une seule assemblée générale qui vote comme d'habitude? Non, c'est très loin de ce qu'on a pu, de ce qu'on peut voir comme type d'assemblée générale de la République. Là, il s'agissait vraiment d'une communication, disons, à la fois de la CGT, de la CIP, également d'intervention de ceux qui sont au balcon, ceux qui occupent le théâtre qui sont également au balcon. Si on est sur le fait que dans deux villes, d'autres théâtres, et soit mobilisés, soit occupés. Alors ici à la République, donc on se trouve sous une bâche, mais à côté de nous, il y a un certain nombre de bâches. Les commissions continuent. Est-ce que tu as entendu parler d'une AG un petit peu plus tard sur la place de la République? La situation est très précaire sur la place de la République, parce que d'abord, bon, il y a la pluie. Sur la place de Panthéon. Sur la place de Panthéon, le Béron, la situation est très précaire. Parce que la police est vraiment à cran. Ils sont en position de charge, c'est-à-dire de charge en marche, quoi. À tout moment, ils peuvent charger. Et donc, c'est vraiment très précaire. Il n'y a pas de possibilité, là, dans la situation actuelle, de pouvoir tenir une AG ou de pouvoir se mettre à discuter quant à la possibilité de nager dans les heures qui viennent. Est-ce que vous avez la possibilité de communiquer avec les personnes qui sont retranchées dans le théâtre de Léon? Oui, on peut communiquer avec eux parce qu'ils sont au balcon et parfois, bien entendu, ils sont avec la folle et ils s'adressent à nous comme nous pouvons nous adresser à eux. Il faut le dire, pour le moment, c'est plus une adresse en termes de violence, en termes de soutien de cet ordre-là. Mais tout à l'heure, quand il y a eu cette mini-AG, ceux qui sont à l'intérieur de l'Odéon ont pu intervenir via le balcon. Alors, quel type de slogan est-ce qu'on a entendu ce soir? Ah, ben, surtout, ouvrez le théâtre, Théorie de Paris, bêtement, évidemment, de ce qu'on peut entendre de la place de la République. Et c'est surtout autour de l'ouverture du théâtre, ouvrez le théâtre. Est-ce que tu as pu voir, Manu, pour Radio Debout, une personne de l'organisation, des commissions d'organisation ou de logistique de Nuit Debout? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit de la soirée? Non, absolument pas. Je croisais une personne de la commission là, qui était là. Il y avait bien entendu des gens qui sont investis dans différentes commissions de la Nuit Debout qui sont ici, mais c'est difficile là de savoir qui est qui. Nous avons pris en tout cas la parole et c'est surtout la CGT et la CIP qui a pris la parole, qui a pris la parole pendant la AG. Je te remercie, Manu. On reviendra vers toi tout à l'heure où on a d'autres personnes qui nous appellent depuis Lyon pour nous parler de la situation. Fais attention à toi et à très vite. Ça marche, à plus tard. Oui, donc on va retrouver bientôt Farida, qui est à l'intérieur du théâtre de l'Odéon depuis hier soir, qui a passé la nuit là-bas, qui est intermittente. Avec qui on était en lien déjà hier, qui nous racontait un petit peu la situation sur place. Donc, bientôt on va être en lien. Là, il pleut sur la place de la République. Il fait un peu moins froid qu'hier. Il y avait des grosses. Il y avait pas mal d'eau au-dessus de la bâche qui vient d'être vidée sur les côtés grâce à des parapluies qui ont permis de vider ça grâce aux gars de la logistique qui sont toujours là avec nous et qui nous aident énormément à installer toutes ces tentes et ces bâches. Je les appelle les marins de la place. Alors, est-ce qu'on a Farida au téléphone? On n'a pas Farida encore. Alors, pour décrire un petit peu la situation autour de nous, tout le monde se réfugie sous la bâche. Des personnes qui viennent s'asseoir. Bonsoir. Je te demandais de te présenter. Bonjour. Et que fais-tu assis à côté de nous sur la table de radio? J'ai vu la radio, c'est trop fort. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Radio Debout était en train de devenir la star du mouvement. Et tout le monde vient à Radio Debout. Mais pas dans le mouvement. Radio Debout documente le mouvement. Radio Debout documente le mouvement, mais Radio Debout est le mouvement. Parce que si sans le Radio Debout, le mouvement n'est plus. Alors, il y a 3 semaines qu'on te voit ici, sur cette place. Je t'ai vu notamment tard. Toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais sur cette place? Je me dis comment je vais pouvoir faire pour passer Radio Debout. Et donc, tu me vois, je fais tout ce que je peux. Il y a des gens qui se penchent contre moi, des gens qui m'aiment bien, mais je suis là, je monte, jusqu'au jour où Radio Debout me dit viens parler au micro. Et comme tu sais, on arrive, c'est la gloire. Alors raconte-nous un petit peu ton quotidien, si ça fait 3 semaines que tu es sur la place. Voilà, ça fait 3 semaines que je suis sur la place et jamais j'aurais pu penser avoir cet honneur, cette joie de parler avec vous, chers animateurs de Radio Debout. Et donc je pense qu'on en est au sommet de cette manifestation, ce qui n'est pas une manifestation mais qu'une rencontre de citoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir parlé à Radio Debout, je peux arrêter. C'est fini pour moi maintenant. Non, on peut arrêter parce que quand même il y a une intrigue. Que deux personnes qui sont venues sur cette place de la République n'arrivent pas à résoudre. Pourquoi es-tu en combinaison de ski au mois de le 56 mai? Voyez-vous, On va repartir sur cette antenne parce qu'on a un problème avec la carte son et avec la carte 4G. Donc là, on va être un moment sur radio-téléphone et puis on se retrouve dans un moment. Et on passe sur radio-téléphone. C'est bon ? On passe sur radio-téléphone. On n'a rien dans le casque, c'est normal, bon. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus ? Parce que là, ça a l'air très marrant, tout ça, tac, tac. Mais on te voit quand même t'exprimer lors de l'AG. Qu'est-ce que tu viens défendre ici ? Et qu'est-ce que tu viens défendre auprès du micro de Radio Debout ? Je viens défendre l'indéfendable, c'est-à-dire que je viens défendre quelque chose qui devrait être déjà débattu principalement en France, c'est-à-dire que on ne peut pas en France aller critiquer Israël contre la Palestine ou les Russes contre les Tchétchènes ou les Américains ailleurs si on ne se concentre pas nous-mêmes sur nos propres exactions de peuples dominants. Alors qu'est-ce que tu as comme exemple à défendre par exemple ? Qu'est-ce que tu es venu présenter à l'AG si on veut parler d'une de tes interventions ? L'une de mes interventions, d'ailleurs je raconte toujours la même chose, hein, c'est... En France, il y a beaucoup plus de Français blancs pauvres, c'est-à-dire sous le seuil de pauvreté, et donc qui sont couillonnés par un système. Et donc, il faut comprendre que si ce système arrive à couillonner et mettre en galère tout un peuple français, donc blanc de souche et autres, imaginez ce qu'ils vont faire ailleurs. Vous croyez que c'est la bonne agora pour parler de ces problèmes ? C'est l'agora où les peuples doivent, comme je l'ai déjà dit, je pense, sur l'estrade, enfin, nous sommes dans une grande partie d'échecs avec deux camps. Donc les pions blancs, ceux qui commencent en premier, c'est l'État, les oligarchies et les multinationales. Et c'est eux qui font les règles du jeu. Et donc les pions noirs, ceux qui jouent en deuxième, c'est le peuple, tous les peuples du monde qui commencent à jouer cette partie avec les règles de l'oligarchie et en ayant 5 pièces en moins. Alors l'oligarchie, c'est un mot qu'on entend évidemment beaucoup. Lise Marie, est-ce que c'est un mot que tu utilises au quotidien ? Moi non, personnellement pas du tout. Non, moi je poserais la question de la démocratie. Voilà, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la démocratie ici sur la place ? Qu'est-ce que ça veut dire reprendre la place ? Moi, ce serait plutôt cette question-là qui m'interpelle par rapport à cet endroit, à cette occupation, en fait. Jacques Rancière, un philosophe, pose cette question-là de la démocratie. Toi, tu penses quoi de ça par rapport à l'occupation d'ici ? La démocratie ou à l'occupation ? La démocratie par rapport à l'occupation. D'accord. Donc, c'est deux choses différentes. La démocratie, c'est un concept d'Europe... Et donc qui impose sa vision au reste du monde et donc qui invente une démocratie obligatoirement positive et le reste du monde dictatorial, royaliste, complètement simpliste et simplet qui passe leur temps à se faire la guerre. Donc il y a vraiment un gros problème de réflexion avec la pensée dominante de l'Occident qui impose sa vision de la vie, sa vision des choses. Ensuite par rapport à l'occupation de la place, je reviens exactement où je dis... encore ouvertement et maintenant, et je le répéterai jusqu'à ce que tout le monde le comprenne, nous sommes des peuples multiples, multiples de confessions, multiples d'origine et multiples en politique, puisque je redis encore, quelqu'un du front de gauche, il a ses pensées, ses combats, quelqu'un du front national, il a ses pensées, ses combats, mais ce sont des êtres humains, et donc il faut qu'ils se parlent. Qui se comprennent et qui mélangent leurs pensées et leurs combats pour dire comment ça se fait qu'on ne se comprend pas, comment ça se fait qu'on est l'un contre l'autre. Et tant qu'on n'arrivera pas, nous, à se poser question et à entrer dans le dialogue, les oligarchies, et je reviens avec le mot l'oligarchie, de la dominance et des puissances, vont continuer à prendre le peuple sous son aile, c'est-à-dire à les écraser comme des moustiques. Je te remercie. On va repasser donc via la radio pas normale, la radio qui n'est pas une au téléphone. Ouais, alors, je coupe d'abord ce téléphone et on se retrouve dans 12 secondes. Radio Debout, donc voilà, nous sommes au micro de nouveau, Place de la République. Merci à toi. De tout ce que tu viens de nous dire. Est-ce qu'on va repartir Je pense qu'on va, repartir doucement vers l'Odéon. Est-ce qu'on arrive à avoir Farida, qui est au sein, théâtre de l'Odéon? Et auparavant, nous allons, écoutez, on est un petit peu en improvisation totale, pour être très franc ce soir, malgré un programme très fourni dans un tableur Framapad. Et nous allons parler maintenant de... Fadwa Souleymane, bonjour, je t'avais rencontré sur la place de la République il y a quelques jours. On avait discuté un petit peu tu m'avais parlé surtout des raisons pour lesquelles tu étais sur la place de la République et aussi de ton parcours, parce que tu es syrienne, tu es réfugiée politique, tu es arrivée en 2012, il me semble, de ce que tu me disais. Et du coup, je suis ravie que tu sois là, c'est totalement improvisé, ça tombe bien. Fadwa, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire, toi, par rapport déjà au lieu ici, parce que je sais que tu es venue régulièrement, et tu me disais des choses l'autre jour que j'aimerais bien que tu re-racontes un peu. Tu peux parler un peu de ton parcours, si tu veux. Parle de ce que tu es là, ici, maintenant, en France. Et tu es une artiste aussi? Merci beaucoup. Au début, j'aimerais bien dire que je suis avec vous. Au début, je suis là pour être avec vous. Et bien sûr, parce qu'on a attendu beaucoup, beaucoup cet mouvement en France, parce que tout est lié avec tout. Et on a attaché au même système, le système de capitalisme, qui détruit tout en ce moment, qui détruit l'homme à l'intérieur. On a attendu ça parce qu'on a apporté le principe que les Français qui les ont apporté avant, l'égalité, la justice et la dignité. Et j'espère que vous allez arriver vraiment à vos droits. Et on a dit comment les Français ils sauvent la Syrie. On a dit sauvez-vous-même pour nous sauver, parce qu'on a attaché au même système. Votre droit, c'est notre droit, le même, bien sûr, même qu'il y a quelques trucs locaux, bien sûr. J'ai participé à la révolution en Syrie pour apporter le même principe pour la liberté totale, la vérité totale, l'égalité totale. Et en ce moment, on trouve que en France, presque partout en Europe, qu'il n'y a pas de droit de l'homme, vrai droit de l'homme, vrai de démocratie. Au début, j'aimerais bien que quand vous pouvez faire tomber l'état d'urgence, parce que c'est la première étape vers la dictature. Qu'est-ce que ça veut dire, l'état d'urgence ici, en France, la France qui a apporté les magnifiques principes avant? Oui, toi, par rapport à la Syrie d'où tu viens, ça doit être assez choquant de voir comment ça devient, en fait, la France par rapport à ça. Oui, bien sûr. Dès que je suis arrivée en France, j'ai dit devant tout le monde, des diplomates et des intellectuels et tout, qu'on doit maintenant sonner la cloche l'alarme, oui. Parce que nous sommes tous dans la même situation. Et si on laisse les gens politiques qui dirigent ce monde maintenant, ne pas les intellectuels ou les chercheurs, les penseurs, les philosophes et tout, on va où? Nous sommes tous, comme humains, sur cette terre, nous sommes face à la violence, face à le terrorisme. Et nous étions contre les armes, contre la guerre, contre toutes les idées mauvaises idées. Et après, on a trouvé nous-mêmes ici. Pour qu'on comprenne un petit peu votre parcours, vous étiez dans l'armée syrienne libre. Vous étiez auprès de quelle tendance en Syrie avant d'arriver en France? Je suis comédienne au début, après, et aussi poète. J'ai participé à la manifestation pacifiste en Syrie, à Damas, et à Daraa et à Homs. Je suis allée à Homs pour protéger cette ville, parce que le régime, dans ce période-là, elle a diffusé que c'est une guerre civile, mais ce n'était pas la vérité. Parce que je suis comédienne, ça veut dire que je suis laïque et je viens d'une minorité, ça veut dire que je suis laïque. En même temps, pour sauver cette ville de mensonges de notre système qui est un petit employé dans le système mondial, enfin. Comment s'est passée l'arrivée? C'est-à-dire, vous avez été accueilli aussi par vos contacts comédiens, par des personnes que vous connaissiez plutôt par des réseaux de résistance? comment je suis arrivée en France. En France, oui. Parce que j'ai fait un grand mouvement en Syrie. J'ai dirigé la manifestation là-bas quelques temps. J'étais connue un peu et pour ça, il était plus facile un peu parce que tout le monde, ils savent que j'étais dans la danger parce que le régime Assad, il m'a condamné à mort. Et après, les islamistes, parce que j'étais face à les armes et face à les islamistes aussi, et le régime Assad, parce que c'est les deux dictatures. On ne peut pas accepter les deux, n'importe quelle dictature. Dictaturie. Et sur cette place de la République et les nombreuses places qui sont occupées en ce moment en France, est-ce que vous avez l'impression que les affaires syriennes, est-ce que la guerre en Syrie est assez évoquée? Est-ce que vous arrivez à communiquer autour de cette guerre? Ici, à la place de la République, on a communiqué. Je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'on parle assez de la guerre en Syrie sur cette place? Est-ce que la place de la République est ouverte au monde? Oui, bien sûr. J'aimerais bien que j'écoute ça parce que tout est lié avec tout. On a dit que le tous responsable de tout. Même, ils ont caché la vérité. Ils ont caché la vérité du peuple syrien que beaucoup de temps de vous que nous étions en terrorisme, nous sommes islamistes, tout, mais ce n'était pas la vérité. On doit vraiment participer à cette manifestation. On doit vraiment participer à la révolution partout dans le monde. On doit travailler ensemble pour changer le système mondial. Comme on a dit, on est attaché au même système. Et nous sommes tous maintenant responsables à diffuser les principes qu'on a oubliés. On a oublié, bien sûr. Et là, il va y avoir une réunion bientôt, non? Parce que j'ai vu des papiers tout à l'heure qui circulaient. Oui. Cette conférence, c'est des activistes syriens qui ont vécu la révolution en Syrie et ailleurs aussi. J'aimerais bien que les Français qui viennent pour écouter, c'est les manifestations contre le régime d'Assad. Oui. C'est vendredi 29 avril à 19h à la Bourse du Travail, c'est ça? Oui, dans le 10e, 3 rue du Château d'Eau, salle Jean Jaurès, métro République. Voilà, donc c'est une réunion par un collectif avec la révolution syrienne. Donc il y aura Joseph Daher, militant syrien, Mohamed Taha, militant syrien originaire de Palmyre, qui est archéologue, et Joseph Daher, qui est universitaire, entre autres. Il y aura un court-métrage. On verra si quelqu'un d'entre nous peut s'y rendre. Est-ce que vous croisez d'autres militants syriens sur cette place? Oui, j'ai croisé quelques militants, oui, bien sûr. Vous avez nous fait rappeler le début de la révolution en Syrie, comment on avait le grand rêve à changer notre pays et notre système et à arriver à la liberté vraiment totale, à l'égalité totale. J'étais très... Il y avait beaucoup d'émotions à l'intérieur de moi. J'étais contente, heureuse, mais en même temps, j'étais triste parce que nous étions là-bas. Et après, on a trouvé nous-mêmes ici... ils ont coupé notre effet, ça veut dire à continuer à faire ce que nous voulons faire. Alors vous êtes comédienne, est-ce que le fait de ça vous donne pas envie de monter un spectacle lors de Nuit Debout? Parce que Nuit Debout, j'ai vu qu'il y avait Théâtre Debout qui était en train de naître, différentes initiatives, c'est un petit peu l'endroit où tout le monde s'exprime. Bien sûr, par l'art toujours on peut exprimer mieux, par l'art, par la pensée, par l'âme aussi, et par l'âme, oui, bien sûr. J'aimerais beaucoup. Tu as écrit des choses déjà, toi? Oui, un peu, j'ai écrit que tu as joué ou que tu peux dire ou que tu pourrais donner Ici? Oui, oui, bien sûr. J'ai écrit un recueil de poésie et pièce de théâtre aussi, théâtre poétique. Et j'ai fait plusieurs lectures et j'ai fait un... Et est-ce que c'est un axe politique, tes textes? Bien sûr, c'est à partir de mon propre expérience en Syrie pendant la révolution qui apporte aussi le qu'est-ce qu'il veut le peuple syrien, qu'est-ce qu'on a rêvé et hop, oui, comme ça. Et bien, peut-être tu pourras passer un jour nous venir nous rejoindre pour amener un poème peut-être si tu veux. Maintenant ? Non, pas maintenant. T'en as sur toi, tu les connais par cœur ? Est-ce que vous pouvez nous réciter un poème ? T'en connais un ? Peut-être il y a, oui, j'espère. Oui. Ah oui ? Ah bah oui. Tu vois, c'est super. Mais c'est pas moi qui lis. Pourquoi ? C'est moi, je lis en arabe. Eh bah tu lis en arabe alors. Donc une lecture se prépare sur Radio Debout. Oui, c'est ça, exactement. Et dans l'obscurité éblouissante aussi. C'est dans le court-métrage, c'est le mieux. Oui, c'est... J'ai. Donc là, on est en train, donc... Fadwa est en train de chercher dans son sac marron un poème. Voilà, qu'elle va nous lire. C'est improvisé, c'est super. Donc on attend, Fadwa ressort de son sac un autre petit texte. C'est quand même unique de voir un génial. Sac rempli de poèmes. Ouais, enfin, c'est ça. Il y a qui sait que ça se produit. Il y a voilà, des poèmes et des tracts. Encore un autre poème ouais. Qui sort du sac. C'est quand même... Ah non, il est en arabe celui-là, ça va être compliqué. Voilà, non, ça mais c'est même un billet d'avion. Un peu en... Encore un poème. Encore un poème, il y a des poèmes en arabe. C'est beau aussi en arabe. Alors fait un petit point de situation pour après. En attendant le poème, nous allons. En attendant le poème, je peux déjà vous annoncer qu'un petit peu plus tard, nous allons reparler de la Syrie avec l'association Graines et Cinéma. Donc Graines et Cinéma, c'est une association de voyageurs qui, depuis un certain nombre d'années, récolte des graines un petit peu partout pour planter, pour faire des plantations, pour faire des jardins potagers. Pour les familles syriennes qui sont exilées et qui organisent aussi des projections de cinéma dans un certain nombre de camps de réfugiés un petit peu partout. En attendant le poème, je pense que nous allons faire un petit détour, non pas vers le 7e arrondissement où se trouve l'ambassade de la Syrie, mais vers un autre arrondissement où se trouvent de nombreuses autres ambassades, à savoir le 16e arrondissement avec la vie des gens du 16e. Jeudi, allocution de François Hollande au Trocadéro. Je m'y dirige à la recherche de manifestants, finalement éparpillés par les CRS. En passant avenue Kléber, je tombe sur un pub. Je décide d'aller interroger les gens sur la nuit debout, alors qu'ils n'y sont pas. Petit panel des avis divergents. C'est une manifestation des gens qui luttent, des jeunes de moins de 30 ans, oui, qui ne sont pas encore dans la vie active, qui luttent pour leur avenir à court ou moins long terme. Là, ils sont, à chaque fois, ils se réunissent à la place de la République tous les soirs pour revendiquer certains droits. J'ai juste une question par rapport à ça, je te coupe. Oui. Juste une question par rapport à ça. Est-ce que ces personnes-là se changent, enfin, essayent de trouver du travail ? Ce qu'on dit, il n'y a pas de travail, mais c'est de la connerie. Et vous travaillez où ? Dans le coin ? Attends. Chef de poste sécurité, chez Louis Vuitton. T'avais fait quoi comme métier ? J'ai juste mon brevet des collèges. C'était pourquoi nuit debout d'abord ? Je sais même pas si c'était sur quoi. Ouais, moi non plus. C'est juste que j'avais pas le temps. En vrai, comme je bosse toute la semaine, j'ai envie de kiffer mon samedi soir. Et que du coup, bah non, je suis pas... Bah, en vrai, ça nous concerne, je suis d'accord que ça nous concerne, mais sur le moment, je me suis pas senti concerné. Et là, toujours pas du coup. Bah, parce que ça continue en fait. Ouais, c'est vrai que ça continue. Bah non, j'étais tellement pris dans mes études que je me sens pas concerné sur le coup. Mais en vrai, c'est vrai que ça nous concerne pour plus tard. Ça, je suis d'accord. Je connais pas beaucoup ce qui est... Bon, je suis assez un peu dehors. Mais moi, disons que pour moi, c'est un peu différent que le 15e, dans le sens que moi, ce que je crois, la forme. Pourquoi ? Parce que si on tire trop de la corde, ça va se passer ce qui s'est passé en Espagne. Il y a tout le système social qui va tomber. Donc il faut faire quelque chose. Et je pense qu'on ne peut pas le comparer à l'Espagne, parce que là, en Espagne, c'était vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Ici, je pense qu'on a un état social qui est très bon. On a des conditions de travail qui sont très bonnes. Donc en fait, moi je travaille dans le public, je suis chercheur. Okay. Moi j'ai 46 jours de vacances. Je viens des États-Unis. Donc avant j'étais aux États-Unis. C'est pour ça aussi. Non. Mais 46 jours de vacances, sincèrement, avec ça, moi je prends la moitié parce que sinon il n'y a rien qui marche. Et moi, parce que je suis motivé pour faire mon travail, mais tu vois, si t'as tous les gens qui prennent tellement de vacances, il n'y a rien qui marche à la fin. En Espagne, ça n'a rien. 200 ou 400 personnes qui vont rester à ne pas dormir, ça ne va absolument rien changer. C'est une belle idée, hein, mais au niveau des effets, je vois très très mal les effets derrière. Mais non, ça passe en général, les grands changements passent toujours par un mouvement populaire énorme, et c'est pas eux qui vont le construire. c'est certainement pas eux. Ils font pas l'unité nationale. À la limite, pour faire une réforme au niveau national, il faut une unité nationale. L'unité nationale se fait malheureusement maintenant en France et dans la plupart des pays dans le monde par le vote. C'est très gentil de leur part de dire l'État c'est mal, mais ils s'adressent quand même à l'État. C'est le serpent qui se mord la queue. Puis en plus, parmi les différentes choses que j'ai vues sur la presse, il y a aussi un côté qui est très ludique dans ce genre de manifestation. Pour moi, ça les crédibilise un peu. Le fait que ce soit ludique ? Oui. Mais du coup, tu voudrais que ça soit comment ? Moi, je pense que... en faire une réforme étatique. On est dans un état de droit d'homme ou par l'élaboration d'une loi, par s'opposer à une loi. Ici, on pose pas pour l'instant. Mais tu crois pas que si justement ils manifestaient, c'est que justement ça marche plus de passer par l'identité. Je suis sûr que ce qu'ils sont en train de faire, à moins d'aller vraiment dans l'extrême, aller faire une grève de la faim et vraiment menacer, utiliser une arme, une vraie arme de négociation, non, ça va pas marcher. Je sais pas, ça serait quoi les autres armes ? Je trouve que ça marcherait un peu plus que ne pas dormir. Si jamais je voulais faire un calcul coût-bénéfice, c'est certainement pas trois gars qui disent je vais pas dormir qui vont me faire moi changer d'avis sur quoi que ce soit. Mélanger tout et vacances, voilà quoi. La flexibilité du travail, le futur des étudiants, oui. Ça me fait penser un peu aux manifestations à la fac, quand j'étais à la fac, ils disaient non à la loi Pécresse et on y mettait aussi pour la légalisation de tous les immigrés. Marijuana. Oui, voilà, légalisant la beuh, tout. Oui, ah, bah, oui, pourquoi pas, c'est beau, mais ça n'a aucun effet. Ça. Radio. Vous êtes bien sur Radio Debout et nous partons de l'Odéon à la Syrie, de la Syrie à l'Odéon. Et nous faisons un petit tour en poésie avec Fadwa qui a retrouvé au milieu de son sac où il y avait combien, 50 000 poèmes. Je suis très désolée aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le livre. Il s'appelle Ton, cette poésie, cette poème. « La yazalu indi waqt, kay tamsaha dhakirati an judraniha ar-ru'us al-maqtoua. » والعيون الشاخصة في الموت ذبحا أو خنقا أو هرس أعضاء لا يزال عندي وقت كي ألملم أشلاء الجياع والمحرومين من بين أفكاك الضباع الشبعى وأصابع الأطفال من أفواه الجرذان لا يزال عندي وقت كي أبكي على الذين أطلقوا النار على حمار وعلى الحمار الذي تمتع بإعدامه بعد أن كتبوا فوق جسمه اسم ديكتاتور لا يزال عندي وقت كي يتمزق قلبي من مفاجأة الحمام بأسلوب موته انفجار لا يزال عندي وقت كي يمر صوتي عبر سكايب إلى دمشق ماما كيفن القطط عم يختفوا ليش والله ما بعرف يا ماما فيأتيني الجواب من الإعلام يحلل شيخ أكل القطط في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق لا أملك مزيدا من الوقت كي أسامحنا نحن الموت الأحياء على موتنا لكن يبقى بعض وقت كي أسامح الذين ماتوا وناموا في ظلمة القبر وتركوا الموت يتلذذ فوق بموتنا البطيء فوق صليب انتظاره du temps, il me reste du temps pour essayer, pour essuyer les écrans de ma mémoire, des têtes tranchées, des yeux figés, dégorgés, d'étranglés, de broyés. Il me reste du temps pour arracher les lambeaux d'affamés et de dépossédés au croc des hyènes répues. Les doigts des petits à la gueule des rats, il me reste du temps pour pleurer ceux-là qui ont tiré sur la mule. Et cette mule-là morte pour le plaisir de ses bourreaux, le mot dictateur gravé sur son corps. Il me reste du temps pour que mon cœur soit déchiré par la colombe surprise par sa mort. Il me reste du temps pour passer ma voix à Damas via Skype. Comment vont les chats, maman ? Ils disparaissent. Pourquoi ? Je n'en sais rien, ma chérie. La réponse me vient des médias. Un tchèque a rendu licite la consommation de viande de chat dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. Je n'ai plus le temps pour nous pardonner notre mort, à nous les morts vivants. Mais il me reste un peu de temps pour pardonner à ceux qui sont allés se coucher dans l'obscurité de la tombe, laissant la mort se régaler de notre mort lente sur la croix de son attente. Fadwa Souleymane. Merci Fadwa, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à vous. Merci à vous. Merci Fadwa, et nous repartons vers le Théâtre de l'Odéon, mais cette fois à l'intérieur du Théâtre de l'Odéon avec Camille. Camille, est-ce que tu nous entends ? Oui, oui, je vous entends. Alors Camille, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où est-ce que vous en êtes ? Où est-ce qu'on en est ? Là, c'est-à-dire que la situation est un petit peu bloquée. Vous pouvez entendre tous les manifestants qui continuent à chanter, même si toute la place est occupée par la police. Donc nous, on est toujours... sur la terrasse, on continue à chanter, on montre notre détermination, mais voilà, on ne sait pas trop l'issue que j'ai pas à prendre. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Camille, un petit peu comment s'est déroulée la journée ? Vous avez dormi donc dans le théâtre du Panthéon, de l'Odéon, pardon. De l'Odéon, du Panthéon. Comment s'est déroulée la journée ? C'est-à-dire que nous, on avait comme revendication, dès qu'on est entré, de rester jusqu'à la fin des négociations. En ce moment, il y a les négociations de l'assurance chômage, on en avait peut-être déjà parlé tout à l'heure. Donc on avait cette première revendication, et ensuite, notre deuxième revendication immédiate, c'était de pouvoir avoir un lieu pour une AG. Donc ce qui nous a été refusé toute la journée, donc nous, on est restés, on a essayé de négocier pendant toute la journée. Finalement, on a fait des appels à nous rejoindre, donc vers 17-18 heures, il y a énormément de monde qui est arrivé, il y a les gens qui étaient en train de manifester devant les négociations rue de Varennes, et tout ce monde-là est arrivé, on pensait que ça allait quand même pouvoir bien passer, parce qu'on était suffisamment nombreuses et nombreux, et la police a été d'une très très grande violence, d'une très grande fermeté, et du coup on n'a pas pu faire cette assemblée générale, en fait, alors qu'on était totalement pacifiques et nombreux. Est-ce que vous avez fait une assemblée générale à l'intérieur du théâtre ? Nous ? Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la salle. Nous, on est, en fait, on nous a juste laissé un tout petit espace en haut et cette terrasse qu'on occupe. Donc non, on n'a pas pu faire l'assemblée générale. Il y a eu un début, une tentative d'assemblée générale entre la place et nous, avec le mégaphone et la sono. Mais c'est cette assemblée générale qui a été torpillée par la police, les gaz et les matraques. Donc du coup là, vous faites quoi ? Oui, je vois la terrasse qui surplombe le théâtre de l'Odéon. Et derrière, en effet, il y a des petites salles sur les côtés, il me semble, qui sont des salles de répétition. Donc c'est là où vous êtes, en fait, là, actuellement. Voilà. Et là, vous allez faire quoi maintenant ? C'est quoi là ? Ouais. Nous, on a dit qu'on restait jusqu'à demain. D'accord. On va rester jusqu'à demain. Oui. On va attendre la fin des négociations et on va voir quel accord est annoncé. On réagira en fonction. Nous, ce qu'on avait demandé, de toute façon, c'est d'avoir un lieu serein pour pouvoir examiner cet accord, travailler sur cet accord, parce que voilà, tout ça demande du travail, examiner ce qui nous est proposé. Et donc, du coup, on va essayer de rester là, même si le cadre n'est pas très serein pour l'instant. Oui, d'accord. Quand vous dites que vous allez rester jusqu'à demain, c'est-à-dire que vous avez l'assurance que vous n'allez pas être expulsé cette nuit du théâtre ? Depuis le début de notre occupation, on n'a eu aucune assurance, pas même orale, de quoi que ce soit. Donc non, on peut pas... Quand bien même elle serait écrite, je ne sais pas si on leur ferait tellement confiance, mais là, on n'a même pas eu d'assurance orale de quoi que ce soit. Donc on a eu des refus surtout. Donc là, on va essayer de rester, mais je pense qu'on peut y arriver, puisque on a plein de soutien en bas, qu'il y a la nuit debout, et je pense qu'on peut être suffisamment nombreux pour leur faire peur. Comment la vie s'organise à l'intérieur du théâtre ? Enfin, très concrètement, est-ce que vous avez à manger ? Est-ce que vous avez à boire ? Comment est-ce que... Enfin, on peut dire que c'est peut-être le seul point de toutes les négociations qu'on a réussi à avoir. Ils ont fini par nous laisser aller aux toilettes et par faire passer les croissants que les amis nous avaient apportés. Donc on a pu se débrouiller pour manger. Mais après, voilà, bon. Les négociations avancent. on peut dire ça. Ouais. Lise-Marie ? Vous avez des nouvelles des autres théâtres ? Vous avez des nouvelles de Toulouse et de Lille ? Vous êtes en contact avec certaines personnes là-bas qui vous donnent... On est en contact. En tout cas, Montpellier a fait un communiqué dans l'après-midi disant que si jamais on était évacués, eux, ils allaient réagir. D'accord. Il y a une solidarité des autres théâtres occupés avec les Bon, c'est super. Voilà. Écoute, on te rappellera, on va se tenir au courant. J'entends derrière des slogans qui fusent. L'Odéon, il est à qui ? Il est à nous. D'accord, voilà. Super. Ok. Eh bien, écoute, bon courage à vous tous. Et puis, on vous recontacte tout à l'heure. Je repasse Arnaud un instant. Oui, okay. Camille, on te recontactera tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous faire entendre un petit peu l'ambiance qu'il y a au travers de ton téléphone pendant quelques secondes ? Dis-moi, je dirais, je ne partirai pas. Je vous fais écouter ça. Voilà. Bah, très bien, un bon centre de techno pour Club Cheval. Merci, merci beaucoup. On va revenir vers la République qui, nous, on est sous une bâche. Si quelqu'un veut nous apporter d'ailleurs quelques croissants, ce sera avec plaisir. Et si vous voulez nous envoyer des sons, des reportages, des documentaires, sachez que le 1er mai, nous allons réaliser 12 heures d'antenne. Donc vos documentaires, vos reportages sont les bienvenus. Radio debout, radio debout, radio debout. Radio debout. Radio debout, radio debout. Hey, c'est la radio debout. Radio debout, on en parle depuis quelques dizaines de minutes sur l'antenne de radiodebout.net. Et on en parle aussi beaucoup dans les médias. On a lu un certain nombre de textes critiques, un certain nombre de textes favorables. On a entendu beaucoup de choses. Et il y a un texte qui m'a interpellé, un texte d'un blogueur assez connu. Je vais laisser se présenter parce que je n'arrive pas à prononcer votre nom. Oui, ce qui est normal, puisque ce n'est pas fait pour être prononcé, c'est déjà fait pour le référencement, pour être lu, être reconnu. Et ça a l'immense avantage surtout d'être pris par personne. Donc je ne prive personne de son nom, son appellation. Donc ça se prononce en général Auteuil. A-U-T-H-U-I-L. Voilà, U-E-I-L. Donc avec des fautes d'orthographe très régulières, mais bon, c'est pas grave. Google a fini par reconnaître et par orienter. Alors d'où vient ce nom ? Pourquoi est-ce que vous avez créé ce nom ? Ça s'est trouvé que c'était une inversion de lettres qui finalement, en faisant une erreur, je me suis aperçu qu'il n'était pas pris. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas le prendre pour moi, mais ça c'était déjà il y a 10 ans, à une époque où je me cherchais un pseudo pour justement exister sur le net en ayant une identité numérique différente de mon identité réelle, pour ne pas mélanger ce qui est de l'expression personnelle et ce qui est la vie professionnelle, parce qu'on ne sait jamais ce que Google peut ressortir 10 ans après. Quel détail est-ce qu'on peut donner à nos auditeurs, offrir à nos auditeurs, de votre personnalité réelle ? Oh, la personnalité réelle, je tourne en fait autour de tout ce qui est exercice du pouvoir, Assemblée nationale et Sénat depuis une dizaine d'années, donc en étant un observateur à la fois, parfois dedans, parfois dehors, parfois à côté, mais toujours attentif à la vie politique. Et justement, dans le mouvement Nuit Debout, qu'est-ce qui vous a intéressé ? Élise au micro. Bah, déjà, c'est la curiosité, quelque chose qui d'un seul coup surgit, prend tout de suite. Je suis venu voir, entendre, écouter, une fois, deux fois, trois fois, parce que quelque part, c'était un objet qui m'intriguait. Et en tant qu'observateur de la vie politique, vous trouvez qu'il y a une dimension politique dans ce mouvement ? Ah bah, complètement. Complètement. C'est une assemblée générale, des commissions, des systèmes de vote, de discussion. Enfin, on est dans un parlement populaire. Même si ce n'est pas totalement assumé par certains, tout dit qu'on est dans un organe politique. Et donc, bah, c'est intéressant à observer le fonctionnement. Alors, votre texte commence par « Je suis longtemps resté perplexe ». Oui, parce que analyser Nuit Debout est compliqué, parce qu'il y a la surface, il y a ce qu'on voit. C'est sûr que quand on est à l'AG, qu'on reste une heure à écouter les suites de prises de parole, on peut repartir avec l'idée, mais c'est rempli de gauchistes, c'est quoi ce bordel ? Et quand on fait l'effort d'aller voir ailleurs, d'aller voir les commissions qui travaillent, d'aller voir d'autres gens qui sont pas forcément, qui prennent pas la parole, mais qui organisent, et d'écouter ce qu'ils disent, c'est-à-dire la façon dont ils souhaitent s'organiser, les principes qui les régissent, et là on retrouve des choses très différentes. Moi, quelque chose, j'ai assisté comme ça à une réunion d'une commission, c'était la commission d'organisation, principe, enfin, quelque chose de totalement informel, et où on commençait par dire il faut d'abord s'écouter, il faut être bienveillant avec l'autre, même si parfois on n'est pas d'accord, il faut laisser l'autre finir. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, qu'on ne voit pas en restant écouter l'AG. Et donc, ça m'a donné envie de creuser, de voir. Et puis, on retrouve vite derrière un certain nombre de principes qui, je pense, animent cette génération des 25-40 ans, qui se construit justement sur ces principes-là de bienveillance, de coopération, d'horizontalité. Mais là, pour une fois, c'est du vécu. Ça se fait en vrai. Bon, c'est un peu foutraque, il faut reconnaître. Ça prend beaucoup de temps, c'est lent. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut émerger parce que c'est la première vraie expérience à une échelle suffisante pour qu'on puisse voir si effectivement ces principes peuvent fonctionner. Et vous écrivez qu'on a l'impression qu'ils veulent refaire le même monde que la veille. Vous avez l'impression que quelque chose peut émerger, ou, comme vous venez de le dire, ou que le mouvement tourne un petit peu en rond? Bah, ça peut émerger. Donc on est encore dans la possibilité, dans le potentiel. Maintenant, effectivement, il y a un moment, il va falloir passer à la vitesse supérieure, parce que c'est vrai que quand on assiste à plusieurs AG, on a l'impression d'entendre l'AG de la veille, avec plus ou moins les mêmes thèmes, les mêmes... Mais le temps de la délibération est un temps très lent. Il faut que ça décante. Il y a un besoin de prise de parole, d'agora, qu'il faut le purger. Donc, il faut que les gens puissent s'exprimer. Mais progressivement, on voit quand même une décantation, c'est-à-dire que des choses se précisent. Déjà, l'organisation est un peu plus sophistiquée. Il commence à y avoir des gens qui rédigent des textes. Il y a des outils numériques qui se mettent en place, qui permettent de garder une mémoire de ce qui s'est dit, de ce qui s'est décidé. Et progressivement, ça peut s'affiner. Mais ça ne se fait pas en 10 jours. Alors, vous êtes assez modeste, mais vous êtes très connu quand même dans la sphère politique numérique. Vous êtes un activiste depuis un certain nombre d'années, quelqu'un un petit peu inclassable d'un point de vue politique. Enfin, c'est très difficile de vous placer sur l'échiquier politique, mais vous êtes là à chaque rendez-vous électoral, en compagnie d'un certain nombre de blogs aussi, où vous participez à différents forums avec ces blogueurs, avec des personnes qui ont une identité numérique. Ce qui est assez surprenant dans ce mouvement, c'est que ces personnes qui ont cette identité numérique, on peut réagir autour de Nuit Debout. Vous êtes l'un des seuls, finalement, de toute cette bande, de blogueurs qui est réagi à Nuit Debout. Pourquoi ? Là, je n'ai aucune idée, parce qu'en fait, les bandes de blogueurs, c'est terminé. Tout ça, c'est une époque ancienne. Tout le monde a migré sur les réseaux sociaux. Tenir encore un blog aujourd'hui, c'est presque faire un acte de résistance face à la mode. Et les réseaux tels qu'ils pouvaient exister n'existent plus. C'est-à-dire, on se connaît, on se voit vaguement, mais il n'y a plus d'unité. Donc moi, j'ai réagi à titre personnel. Ensuite, d'autres peuvent reprendre ou ne pas reprendre. Mais il y a aussi la question de se sentir identifié à ce mouvement. Et quelque part, c'est vrai que la présence physique, c'est-à-dire, il faut déjà venir à République, y venir plusieurs fois pour sentir l'ambiance, voir des choses différentes. Et ça, déjà, c'est un premier obstacle à l'appréhension du mouvement. C'est pas depuis, même si Nuit Debout, le Radio Nuit Debout est très bien faite, c'est pas par ce biais-là qu'on peut vraiment appréhender complètement le mouvement. Et donc, ça peut bloquer un certain nombre de prises de parole. Et tout le monde ne se sent pas non plus interpellé par Nuit Debout. Il y a des gens qui sont complètement en dehors de ça. Pourquoi est-ce que vous vous êtes senti interpellé par ce mouvement ? Bah d'abord parce que c'est à côté de chez moi. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, il va peut-être falloir que je passe voir de quoi il s'agit. Et puis ensuite, en écoutant, je me suis reconnu dans une partie du mouvement, parce que c'est un mouvement qui est multiforme, qui est mouvant. Mais j'ai senti que c'est l'expression d'une génération dans laquelle je me retrouve, sur la fois les principes, la volonté d'horizontalité. Je me suis dit, bon, c'est une expérience intéressante. Il faut voir ce que ça donne. Est-ce que vous avez constaté aussi que l'axiome selon quoi il n'y aurait que des bobos sur cette place est complètement surfait ? Parce qu'on a l'impression que dans tous les articles, on dit c'est une révolution de bobos, tout ça, mais les bobos ne sont pas là. Les bobos n'adhèrent pas à ce... Qu'est-ce qu'un bobo ? C'est la grande question. Là, on est dans le vocable complètement abstrait qui permet à des gens de disqualifier leurs adversaires en les traitant de bobos. Les voisins de la place de la République. Oui, enfin, même quand on prend les discours de la droite dure, c'est entre chien-lit et bobo. Donc non, bon, il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, entre guillemets, des jeunes urbains diplômés. C'est quand même ça le noyau. Les gens qu'on retrouve, qui ont quelque part ce qui donne une identité, une unité au mouvement, il y a quand même ce noyau-là qui se reconnaît dans les mêmes codes, même si effectivement on est dans un mouvement, une classe très minoritaire, mais que l'ensemble de la population ne se reconnaît pas forcément dans Nuit Debout, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un groupe qui se bouge. Et donc les minorités agissantes, c'est comme ça que les choses avancent. Et donc, là, c'est effectivement le Nuit Debout lancé par les jeunes actifs diplômés. Et puis ensuite, ça peut suivre. lancée par les jeunes actifs diplômés, c'est ce que vous écrivez dans votre texte, mais est-ce que par rapport à la première fois où vous êtes venu peut-être et à aujourd'hui, est-ce que vous sentez que ça prend plus de gens différents ? Alors, il faut d'abord y revenir très souvent, ce qui n'est pas toujours mon cas, parce que comme beaucoup, j'ai une famille, je travaille, et que si je peux venir deux fois par semaine, c'est bien. Bon, ce n'est pas forcément suffisant pour mesurer l'évolution du mouvement, même si je suis conscient que c'est un mouvement très mouvant. C'est-à-dire qu'à différents moments où je suis venu, ce n'était pas la même ambiance, suivant le jour, suivant ce que c'était au début, quand c'est maintenant. Donc, le texte que j'ai écrit, il est valable à la date où je l'ai écrit. Ensuite, ça peut bouger dans un sens ou dans un autre, en bien, en mal, ça peut s'épuiser, d'autres peuvent arriver. Mais là, c'est plus quelque chose à chaud, un moment où je me dis, bon là, il faut que je me pose quand même, et que j'essaie de synthétiser mon analyse, parce que ça fait 15 jours que j'y vais et j'arrive toujours pas à essayer à comprendre. Mais je prétends pas détenir une vérité, c'est une vision, c'est un œil qui est profondément subjectif. Est-ce qu'il y a une envie de prendre la parole dans cet AG ? Non. Parce que mon tempérament, c'est d'être un observateur. Et on ne peut pas être à la fois observateur et participant. Donc je préfère rester dans les marges et regarder, parce que c'est mon tempérament qui veut ça. Est-ce que vous allez écrire encore sur Nuit Debout ou... Ah, une intervention publique. Oui. Non, je vous en prie. Oui, donc... Oui, je peux encore écrire si quelque chose m'interpelle à nouveau, si je sens que j'ai quelque chose à apporter dans ma vision, mais je suis blogueur, j'ai aucune obligation d'écrire quoi que ce soit, je peux ne rien produire, donc c'est en fonction de ce qui arrivera, je sais pas. Alors on va parler de votre entourage, puisqu'on n'a pas le droit de vous décrire à l'antenne, on va parler de votre entourage. Quel est votre entourage professionnel au sens large, d'un point de vue sociologique ? Les jeunes diplômés urbains. C'est quand même dans ce milieu-là que j'évolue. Je l'assume pleinement. Comment est-ce qu'ils ont réagi à votre texte ? J'ai eu beaucoup de réactions très positives, de gens qui disaient enfin un regard bienveillant, qui essaie d'être objectif. Et donc c'est peu de retours négatifs. Mais beaucoup de gens qui disaient quand même enfin sur l'air du... C'est quand même très seul à décrire. Enfin, beaucoup de gens qui étaient sur la place, qui me connaissent, m'ont dit « on s'est reconnu dans ton texte ». Donc, quelque part, ça fait plaisir aussi de voir qu'on a frappé juste. Maintenant, les réactions peuvent être aussi très négatives, puisqu'il y a quand même un certain nombre de gens qui crachent sur Nuit Debout. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, sur Twitter, on a vu une passe d'armes, une passe de tweet plutôt, entre Jérôme Godefroy, qui est donc un riverain de... Pardon, Manon. Jérôme Godefroy, qui est un riverain de Nuit Debout, de la place de la République, qui habite juste sur la place de la République, qui a écrit un texte quand même assez brut de décoffrage, oui, c'est... Qui dort pas beaucoup depuis 3 semaines, on a l'impression. Et il y a eu une passe d'armes entre vous sur Twitter. Une passe d'armes est un bien grand mot. On a eu un échange, parce qu'effectivement, quand j'ai lu son texte, là, il m'a interpellé, parce que je me suis dit, là, ça y est, c'est typiquement la réaction de la génération précédente sur ce que fait les jeunes, ce que font les jeunes. Typiquement, le regard en mai 60, des parents des 68ards sur le mouvement 68ards, c'est que de la chien-lit, c'est des jeunes, c'est quoi ce bazar, que la police arrive. Bon, je ne savais pas qu'il était riverain, ce qui peut effectivement amener à une certaine exaspération personnelle, mais à mon avis, il est emblématique du regard que portent les aînés sur une génération qu'ils ne comprennent pas, dont ils ne comprennent pas les ressorts. Et donc forcément, s'ils n'ont pas cette clé de lecture des valeurs qui animent le groupe, la façon dont ils comptent travailler, s'ils ne veulent pas aller voir en profondeur ce qui se passe, qu'ils se contentent de l'agora, c'est sûr qu'on a cette vision-là. C'est typique. Vous pensez qu'il y a toute une génération qui ne se sent pas concernée du tout par ce mouvement ? Non, qui ne le comprend pas, parce que justement, toutes les valeurs qui sous-tendent ce mouvement, à savoir l'horizontalité, le refus vraiment d'une organisation hiérarchique, puis surtout, il y a ce rejet de la part de la génération des 25-40 ans, de tout ce qui s'est fait avant, de toutes les autres organisations, parce qu'ils disent, la France est dans cet état-là, c'est vous qui l'avez provoqué, c'est avec vos méthodes, donc nous on veut faire autrement, on ne reproduira pas ce que vous faites. Et donc, il y a dans ce mouvement une volonté de faire différemment, mais tout n'est pas en place non plus. Il y a encore beaucoup de choses qui sont à construire, et ça prend du temps, donc automatiquement, quand on est dans la période des bourgeons, on ne peut pas savoir quels sont les fruits. Alors que la génération précédente, tous les autres observateurs disent, bah alors, vous allez où, vous faites quoi? Et à la limite, ils voudraient presque déjà couper le bois et mettre les bûches dans la cheminée. Alors, en tant qu'observateur politique, j'imagine que vous avez des contacts aussi bien à gauche qu'à droite, à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. J'ai entendu parler d'une petite rumeur, d'une manifestation des Républicains qui souhaiteraient manifester contre Nuit Debout et contre la chienlit de Nuit Debout. Est-ce que vous avez entendu parler de... Ou est-ce que c'est une légende urbaine, un revival Malraux 68? Oh oui, ça c'est une légende urbaine, parce que les Républicains, pour manifester, bon, ils ont épuisé leur quota de manifestation pour au moins 10 ans avec le mariage pour tous. Donc là maintenant, non, c'est pas, c'est, les antis se mobilisent pas. Je trouve, quand je lis les textes des gens qui critiquent Nuit Debout, c'est plus sur l'air de la chienlit, c'est quoi cette jeunesse, mais ils comprennent pas, donc ils ne se mobiliseront pas contre, parce que finalement ils ne savent pas ce que c'est, ils savent pas où ça va mener. À la limite, les principaux problèmes peuvent au contraire venir de l'extrême gauche, qui elle a parfaitement compris que ce mouvement empiète sur ses plates-bandes, que pour eux, ils aimeraient bien le récupérer parce que c'est leur clientèle, c'est leur domaine, et donc eux peuvent se montrer beaucoup plus agressifs. Ben, je vous remercie. A-U-T-U-T-H-E-I-L. On va communiquer sur notre compte Twitter ce texte qui est très modéré, qui est ni trop bienveillant, ni trop engagé, mais qui, je trouve, une juste mesure sur ce qu'est le mouvement, en tout cas ce qu'on peut, un certain nombre d'entre nous à Radio Debout, ressentir comme observateur de ce mouvement. Un grand merci. Et nous allons écouter maintenant un reportage sur le mouvement Avocat Debout, qui n'est pas lié au mouvement Dentiste Debout, ni au mouvement Coiffeur Debout, mais qui existe réellement. Avocat Debout, un reportage d'Antoine. Consultation juridique Avocat Debout. Alors là, c'est la table des Avocats Debout. Ouais, alors Avocat Debout fait partie de la commission juridique. Hein. C'est la commission juridique parce que on est à fond dans la convergence des luttes. Hein. C'est pas du tout ici question de prendre le pas sur le mouvement. Les avocats sont des citoyens comme les autres. Et on fait partie du mouvement. On n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous. On est inscrit dans cette horizontalité qui fait l'originalité et je pense toute la force de ce mouvement. Donc on fait partie de la commission juridique qui est divisée en plusieurs pôles. Le pôle comment au quotidien on organise cette occupation de la place. Donc c'est la déclaration auprès de la préfecture de police. C'est aussi des questions des interpellations et des violences policières hein, qui sont centrales dans le mouvement, qui interpellent beaucoup les gens qui font partie, qui sont des militants. Donc ça, c'est le premier pôle. Il y a un deuxième pôle qui est plutôt sur la vulgarisation du droit. Donc il y a des ateliers qui se font l'après-midi sur la loi El Khomri. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment contrer? Quelles sont les alternatives? Parce qu'il y en a. Il y a des gens qui réécrivent le code du travail autour de l'équipe d'Emmanuel Dauquès à Nanterre, par exemple. Il y a des gens qui réfléchissent sur la rédaction de la 6e République. Donc, si vous voulez, la commission juridique peut donner un petit peu son avis là-dessus. En tout cas, est légitime parce que c'est des juristes et qu'on apporte notre soutien technique, si on veut. Et ensuite, il y a le troisième volet qui est plutôt celui sous lequel vous êtes, c'est les consultations juridiques. Ça, c'est plutôt Avocat Debout, plus précisément, qui s'occupe de ça. Qui file, si vous voulez, comme ça, des petites informations juridiques à l'attention des gens qui viennent nous voir dans tous les domaines du droit. Alors, on ne nous a pas demandé comment on faisait pour défiscaliser au Panama, hein, même si c'est intéressant de l'envisager dans les ateliers de l'après-midi de vulgarisation, savoir un petit peu comment ça fonctionne pour pouvoir en sortir. Il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils se sont fait expulser de leur logement, des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont été licenciés. Enfin, il y a tout un tas de petits questionnements individuels au quotidien. On se rend compte que les gens sont en situation de précarité juridique et qu'ils ont besoin des premiers soins. Comme ça, on leur apporte les premiers soins. Alors, c'est uniquement des premiers soins parce que ici, on a un annuaire qui a été fait par la commission juridique de Nuit Debout et qui liste les points d'accès au droit en mairie parce que ça existe. Dans les mairies, on a accès aux droits de manière totalement confidentielle et gratuite. Il y a des juristes qui sont très bien formés, qui accueillent tous les jours les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des avocats et qui puissent comme ça retourner un peu la machine, reprendre le droit comme une arme pour eux et non plus contre eux, parce que bien souvent c'est quelque chose de subi, le droit est quelque chose qu'on subit au quotidien et qu'à partir du moment où on le connaît, et ben, on s'émancipe comme ça de ses fers. C'est un petit peu une démarche gramscienne qui est la nôtre aujourd'hui. Les avocats ne sont pas uniquement des gens en costume cravate dans leur cabinet, et qu'il faut évidemment participer à ce mouvement en tant que citoyen, en tant qu'avocat, en tant qu'élève avocat pour certains, comme moi, parce qu'on fait partie de la cité. Voilà, le droit et la justice comme un bien commun, quoi. Exactement. Ton prénom ? Xavier. Merci. Je vous en prie. Fourillon. Radio Debout. Fourillon. Vous êtes toujours sur Radio Debout et en effet, réveillez-vous. Parce que nous, on est bien réveillés, on est toujours sous la bâche de la République. Il y a un petit attroupement autour de nous. La place est quand même relativement vide ce soir. Par contre, il fait très froid. On ne va pas vous mentir que là, les plaids nous manquent sérieusement. Et je suis avec Alice. Bonsoir. Et nous sommes également avec deux personnes des arts visuels debout qui vont nous expliquer un peu ce que c'est. Peut-être vous présenter d'abord. Nous sommes deux artistes. Et voilà, on travaille dans l'art, précisément dans l'art contemporain. En fait, on est venus pas mal, tous les deux, à République. Et au début, on écoutait les AG, enthousiastes de ce qui se passait. Et on a entendu peu d'artistes, dessinateurs, etc., art contemporain, parler. Et on est revenu, on a toujours pas entendu, et du coup l'idée était de créer ce groupe-là, quoi. Donc vous êtes une commission sur la place. Oui. Et alors, quelles sont les problématiques justement relatives aux artistes contemporains ? Ah, moi, juste avant que vous répondiez, désolé, j'ai une question. Comment définiriez-vous l'art contemporain ? Parce que c'est une question que je me pose souvent. Désolé, c'est un peu une question piège. Et parce qu'il y a vraiment une grosse embrouille, parce qu'en fait... Parce que quand on dit art contemporain, on a l'impression qu'on parle des artistes, on va dire beaux-arts, nouveaux beaux-arts, quoi, avec installation, performance, d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Parce que c'est, on va dire, l'art d'un milieu, qui est le milieu des galeries, de certaines galeries en plus, qui se reconnaît en fait à une tendance, quoi. C'est des tendances visuelles qui sont reprises à l'intérieur de ce milieu-là. On peut appeler ça par exemple postmoderne. En ce moment, il y a le transhumanisme. Et les gens se reconnaissent en fait à travers des codes. Et donc, c'est une appellation exclusive, quoi. L'appellation art contemporain. Ouais, parce que alors que ça devrait être tout le monde, tous les gens vivants, en fait, c'est certaines personnes qui se reconnaissent dans cette tendance. D'accord, donc c'est pour ça que vous vous êtes appelés les arts visuels. Oui. Et alors. Pour en revenir, quelles étaient les problématiques que vous avez abordées en commission ? La première problématique, en fait, c'est parce qu'on a rencontré dans l'ensemble des professions les acteurs de l'art, que ce soit les commissaires, les critiques, mais c'est pas seulement les artistes. C'est qu'il y a une très forte précarité, alors que dans les médias, on parle beaucoup de grosses sommes d'argent dans le marché de l'art. C'est plus... on a vraiment une image de l'art contemporain qui est celle menée par les riches, alors qu'il y a une réalité très forte au sein de ceux qui permettent de faire les expositions, qui travaillent. Et du coup, en fait, c'est ça qu'on voudrait parler, c'est du travail des acteurs de l'art contemporain, ou enfin de l'art tout court, et qui ne sont pas forcément rémunérés. Parfois, on travaille gratuitement. Il y a des histoires de chantage aussi. Si tu n'acceptes pas de ne pas avoir de rémunération, en gros, bah, tu ne seras pas exposé. Il y aura d'autres gens qui voudront exposer de façon à ta place, et c'est très grave. Et tout ça... C'est-à-dire cette histoire de marché, et même dans les écoles, en fait, on nous apprend, on nous monte les uns contre les autres. On est en concurrence permanente et on n'est pas du tout unis. Et c'est ce qui manque aujourd'hui parmi les artistes, les commissaires, etc. Il y a des histoires de hiérarchie. Et, je ne sais pas, Nicolas, si tu veux développer un peu... Non, juste pour ajouter, parce qu'il y a la question économique qui va tout de suite fédérer les gens. Mais je pense qu'il y a aussi une question de responsabilité pour tout le monde, quoi. C'est pas simplement juste gagner de l'argent, quoi. Le problème, c'est pas un truc que corporatiste, quoi. C'est aussi de quoi on parle. Le fait que le milieu, il est hyper lié à la finance. voire même avec derrière la finance des trucs complètement obscurs. Comment ça, par exemple, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que le milieu est lié à la finance et aux trucs obscurs de la finance? Alors, y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais je sais vraiment pas si c'est vrai, que ça servait à financer des armes en Corse. Et alors ça, je sais pas si c'est vrai. Comment ça, tu veux dire la vente d'art qui va ensuite aller directement en petite mallette J'en ai aucune idée. Mais par contre, je sais que par exemple, il y a un artiste qui s'appelle Botero, qui est un artiste colombien, qui a vécu à Paris. Et je crois qu'il y avait, comment il s'appelle, Pablo Escobar, qui avait une très belle collection de Botero. Et après, l'art, en fait, c'est un moyen de fluidifier, en fait, aussi les transactions. Et donc, c'est un moyen de blanchiment d'argent, en fait. Et donc, en commission, vous abordez ces thèmes-là, vous cherchez des pistes de réflexion, ou c'est plus dans de l'action concrète? Alors, en train de réfléchir à des actions concrètes pour qu'elles soient pertinentes et... Mais pour l'instant, en fait, on se pose surtout des questions. Quels moyens peut-on avoir pour créer autrement et qui soit éloigné du marché, pour reprendre une certaine liberté d'expression et ne pas rester dans des formes pour les galeries, en fait. Parce que là, vous avez l'impression que votre art est tellement lié justement à ce canal-là de diffusion qu'est la galerie, que finalement les artistes s'autocensurent ou alors, consciemment ou inconsciemment, s'adaptent aux demandes de ces galeries-là. Exactement. J'ai l'impression que tout le monde s'adapte à ça et tout se tourne vers ça. Même les peu d'espace qu'il y a pour diffuser la jeune création, ils se retournent complètement dans ce marché-là. Et les artistes, du coup, sont obligés d'asséconder, je ne sais pas comment dire, les formes d'exposition qu'il y a maintenant, ou d'esthétique. J'ai l'impression que tout se ressemble et il n'y a pas de dialogue entre les artistes. Moi, j'aurais peut-être une question. Est-ce que quand on est un jeune artiste, on peut trouver un moyen de se faire diffuser via un canal public, ou est-ce que nécessairement tout passe nécessairement par des collectionneurs, des galeries privées? Non, si, on peut très bien... par exemple, le parcours classique des artistes, c'est quand on sort de l'école, c'est passer par des résidences. Et moi, je suis sortie de l'école il y a 10 ans et j'ai fait énormément de résidences et j'ai vu une vraie évolution et une dégradation. Et il y a des résidences qui sont magnifiques. J'ai rencontré des gens incroyables qui respectent les artistes. On est payé, on est exposé, etc. Et il y en a d'autres, en fait, maintenant, c'est de plus en plus. On fait des résidences mission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Une résidence mission, c'est des artistes qui vont dans des zones en difficulté, des zones sensibles, et pour faire de pansements à la politique qui ne marche pas, qui isole les gens. Et en gros, on se met là, alors que peut-être la priorité pour ces lieux-là, c'est peut-être de remplacer des portes, nettoyer. Il y a d'autres priorités que mettre... un conteneur, genre, ça c'est de l'art contemporain, vous voyez, on va faire un peu de culture, c'est des pansements, et nous on n'est pas là pour faire de l'anthropologie, du social, etc. Et pour essayer de rattraper les erreurs politiques, on n'est pas là pour ça. Et ça, c'est en train de s'empirer, là, je vois des appels à projets qui, c'est même plus on vous fait de l'art, c'est que vous faites, on vous accueille, mais vous faites des ateliers. Alors moi, je veux bien faire des ateliers, je sais le faire très bien. C'est pas un souci, c'est juste que je vais être payée en conséquence. Je ne travaille pas gratuitement. Vous voulez dire qu'en ce moment, dans le secteur public, être artiste, c'est avant tout être un médiateur ou alors être un éducateur à l'art, en fait? C'est ça, mais on n'est pas formé pour ça. C'est pas notre métier. Donc, Et alors, peut-être Nicolas, tu veux rajouter quelque chose ou... Il y a quelqu'un du groupe qui a un petit peu parlé de ça. Il a dit, donc voilà, il y a le secteur privé, il y a le secteur public. Et il a dit, il y a aussi un autre espace qui est en train de se développer. Il a dit une espèce de troisième voie. Alors lui, il évoquait les artist-run space, c'est-à-dire les lieux qui sont gérés par des artistes. Et lui, il pensait que ça... Je pense qu'il faisait peut-être analogie, référence au tiers-lieu ou à des choses comme ça. Pardon, excuse-moi, t'entends quoi par tiers-lieu ? C'est ce monde un peu des Fab Labs, des ateliers participatifs, par exemple les ateliers de vélo, ateliers vélo citoyens, et donc des lieux participatifs, on pourrait dire. Et effectivement, ça se développe aussi. Et ça peut être une espèce d'espace alternatif aussi, par rapport aux problèmes que Diana a évoqués. En Amérique du Nord, ça se fait beaucoup, ça, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de circuit institutionnalisé pour... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'argent pour la culture et pour l'art, et donc la culture et l'art se développent beaucoup dans des endroits comme ça, effectivement, où ça va être des coopératives ou des cafés, et ça fait en sorte que les artistes sont plus libres dans la création, mais ont effectivement peut-être moins d'impact en termes de quantité de personnes. Après, vous, justement, en vous réunissant ici à Nuit Debout, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Quelles sont vos attentes ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il arrive ? Déjà, s'il peut y avoir l'embryon d'un mouvement, ce serait super. Que les artistes puissent commencer à s'unir et à réfléchir. Par exemple, il y a un groupe qui est venu à notre discussion, qui ont travaillé très sérieusement sur des propositions, mais il est essentiellement relié sur Facebook, ce groupe, c'est Économie Solidaire de l'Art. Mais en termes d'action, je pense qu'il n'y a pas eu énormément de choses, en fait. Donc là, ça peut être l'occasion de faire des actions concrètes, qui peuvent être, je sais pas, des choses simples, même mettre des affiches, faire connaître ses revendications pour un droit de représentation, etc. Enfin, mais voilà, c'est même des choses très simples comme ça, de militance. Elles existent tellement peu que c'est vraiment l'occasion, quoi. Et est-ce que vous avez l'impression de rencontrer une écoute de la part des gens qui sont sur la place ? Parce que je sais que les problématiques artistiques, souvent, sont éloignées peut-être des problématiques des gens qui ne sont pas artistes. Enfin, voilà, donc dans le cadre d'une convergence des luttes, ça s'entend ou... En fait, j'ai rencontré des gens, c'était c'est incroyable et très touchant. Et ils comprennent très bien nos difficultés. Et les questions plutôt qu'on a eues, c'est une dame qui nous a dit, qui a écouté longtemps. Enfin, je la voyais écouter et à un moment, elle est intervenue. Mais vous n'êtes pas intermittent ? Elle dit, mais non, on n'a même pas ça, en fait. Quand on n'est pas en résidence, quand on n'est pas en galerie... Alors déjà, faut savoir que quand on est en galerie, on expose une fois par an, une fois tous les deux ans. Ce n'est pas assez pour vivre sur deux ans. Peut-être on vend une chose, peut-être on ne vend rien. Et du coup, entre-temps, on est au RSA, c'est-à-dire on n'a pas de statut, parfois on n'a pas de sécurité sociale, c'est un peu le chaos, en fait. C'est qu'on n'est même pas intermittent. Et les gens, en fait, ils s'inquiètent, ils voient qu'il y a des difficultés. La plupart du temps, c'est des questions sur l'art contemporain, il fallait un peu désamorcer ce que c'est, en fait, s'éloigner un peu de cette chose-là, en fait, pour comprendre la notre réalité. Mais les gens, ils étaient plutôt, il faut ramener l'artiste dans la cité, il y avait plein de citations, enfin, il y avait beaucoup. Très très belle chose, et même c'était eux qui proposaient des actions. Ça venait d'eux, les actions, en fait. Donc finalement, vos revendications ont totalement rejoint ceux des autres gens sur la place, parce que vous êtes, comme beaucoup, dans des situations précaires qui finalement rejoignent des problématiques ou du moins des angoisses et des inquiétudes que tout le monde peut avoir sur cette place, ou même d'ailleurs pas sur cette place. Arrêtez d'être complètement républico-centré. Après, il y a aussi, il y a d'autres réalités. On avait parlé beaucoup d'espace, hein. Le manque d'espace. Parce que quand on est artiste, il faut savoir qu'on doit payer quand même deux loyers, hein, la plupart du temps. Il y a le loyer de la maison et le loyer de l'atelier. Et à Paris, on connaît les prix des ateliers c'est très difficile de joindre les deux bouts, quoi. Et quand on n'a pas d'espace, on ne peut pas travailler. Et c'est tout un enchaînement comme ça. Et du coup, on a commencé à réfléchir. Bon, il y a trois mondes économiques dans l'art. Il y a la finance, le public. Et on voudrait essayer de créer un troisième espace qui soit ni l'un ni l'autre. Qu'on puisse travailler, mais qu'on soit libre de s'exprimer sans avoir à l'arrière-pensée à « il faut que ça se vende » ou l'autre pensée de « il faut que je mange ». Il y a quelque chose à faire économiquement. Et aussi, le travail de l'artiste, ce n'est pas quelque chose qu'on peut compter dans les heures. C'est quelque chose qui est très fluide et très difficile à comptabiliser. Et réfléchir aussi à cette chose-là, comment faire comprendre aux gens qu'on travaille. Hein. On travaille tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on est RSA qu'on ne travaille pas, en fait. Moi, j'aurais une question pour vous. Justement, en tant qu'artiste, selon vous, quelle est la place de l'artiste dans la cité ? Non, parce que puisque tu dis que c'est important justement que les gens étaient à l'écoute de ça, avaient dévoyé tout à fait pourquoi est-ce que vos revendications étaient importantes, pourquoi est-ce que vous aviez besoin d'endroits, et que dans les propositions que vous apportez, il y a ces questions de création de tiers espaces, donc un endroit aussi où peut-être où l'art serait plus accessible, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui va dans les musées, c'est pas tout le monde qui va dans les galeries. On sait bien que ça peut faire peur, ça peut ou même on peut juste pas avoir cette idée-là. Donc à quel moment est-ce que le point de rencontre avec avec le peuple se fait, selon vous ? Ben, y a une, pour parler un peu aussi de République, il y a une, un mouvement dans l'art qui s'appelle Art Activisme et qui est d'utiliser les moments de contestation politique, d'action politique, comme aussi des moments où l'art il peut se connecter avec, les gens. Quoi. Et bon, après, par exemple, à la COP21, pour les mouvements anti-COP et de contestation, ils ont carrément organisé ça. Quoi. Il y a l'association 350 qui a demandé à des gens en fait, de faire clairement la connexion entre les militants et les artistes. Donc ça, par exemple, c'est une manière très concrète de recréer une connexion et de dire, bah, voilà, les formes que les artistes ils inventent, elles servent, en fait. Après, ce que... Si je peux juste ajouter un truc. Bien sûr. Il y a quelque chose, je pense, parce que la critique de l'art contemporain, elle est toujours la même. Et on la connaît au Mozart, on apprend là, par cœur. C'est mon fils ou ma fille, elle pourrait faire pareil. Et après, c'est des réactions moralisantes aux provocations de l'art contemporain. Je sais pas, type, si on se rappelle, le Godemiché sur la place Vendôme, machin. Bon, et c'est toujours les mêmes critiques. Et je pense que les artistes qui sont présentés là, c'est des artistes qui sont aussi critiques des dérives de l'art contemporain, même dans ce que ça a d'exclusif et tout, mais qui sont pas dans cette critique-là, quoi. Et du coup, qui peuvent... Ça, ce serait beau aussi que ça arrive, quoi. Qu'on fasse émerger une autre type de critique avec ce point de vue des artistes eux-mêmes, quoi, qui sont dans la construction d'un autre art, qui peut être activiste, qui peut être plus écolo, plus pas scabreux... Mais il n'y a pas un manque de pédagogie, justement, et pour... Enfin, c'est toujours ces deux mêmes critiques, parce qu'il y a aussi une incompréhension face à l'art contemporain. Et voilà, moi j'ai toujours tendance à me dire au musée qu'il n'y a pas assez de... Parfois, il n'y a même pas d'encart, et du coup, je ne comprends pas du tout ce que je vois, comme je suis complètement profane. Je ne sais pas si vous avez un truc à répondre à ma profanité, mais... Après, les musées, c'est encore un autre discours, je pense, et... Non, je sais pas quoi. C'est parce que aussi c'est un truc de spécialiste, en fait. C'est, comment dire, le public des musées, c'est des designers, des gens qui travaillent dans la pub et tout. On le voit, l'art contemporain, il va direct dans la pub après. Les idées des artistes, elles sont immédiatement utilisées. Du coup, d'une certaine manière, ils s'en fichent des gens. Finalement, il y a un vase communicant. Ouais. Mais par la publicité. Ouais. Ça serait bien de trouver un autre canal. Bah, ouais. Après, c'est juste pour répondre sur le rôle de l'artiste dans la société. En fait, il y a plein de possibilités. Enfin, il y a plein de possibles, et c'est selon chacun de nous. Et chacun a des envies différentes par rapport à ce qu'il voit tous les jours, etc. Et je pense que bon, il y a les arts activistes, mais il y a aussi l'artiste qui observe et qui passe du temps à regarder ce qui se passe et qui fait les relations entre les événements, entre des domaines, des choses qu'on pourrait pas... C'est l'imagination, en fait, tout simplement. C'est l'imagination. Et puis après, il y a aussi le côté artiste. Où, par exemple, il y a beaucoup eu de cas de censure en France. On entend parler de ça aussi. Est-ce que tu peux donner des exemples? Je sais plus, j'ai oublié le nom de... Il y avait un gars qui était... C'était dans un son... J'ai oublié le nom, là. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Est-ce que tu sais ce qu'il faisait ? Quelle a été son œuvre qui a été censurée ? C'était relié toujours à des questions morales. Ben voilà, à la place Vendôme, par exemple. McCarthy, il avait exposé un god, un géant, voilà. Et voilà, les premiers à critiquer, c'était l'extrême droite et les catholiques qui ne comprenaient pas son action. Ouais. Par exemple, moi je suis aussi critique, parce que par exemple, moi je m'en fiche que ce soit un god, je m'en fiche qu'on parle de sexualité, mais on en parle avec un god, on n'en parle pas avec, je sais pas comment dire, un truc naturel, quoi. Du coup, c'est la marchandisation de la sexualité, quoi. Et ça, par exemple, moi j'ai pas entendu, quoi. Alors que, bah voilà, c'est un objet, en plus c'est un truc technologique, c'est un truc en plastique, et ça s'appelle arbre en plus. Donc c'est aussi, si on le prend au premier degré, c'est une vision débile de la nature, quoi. Voilà, il fait une critique directe de l'art en tant que marchandise. Non, un peu. Bon, d'accord, je déconne. Je crois pas. Mais en gros, c'est juste pour le finir sur la censure, c'est quand il y a une alerte. À partir du moment où on commence à être censuré, c'est il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, en fait, dans la société. C'est s'il y a un moyen de s'alerter. Enfin, c'est des signaux, en fait. Il y a des signaux. Et est-ce que bah, parce que tout à l'heure, tu as dit que c'était chaque artiste selon sa sensibilité aussi qui créait. Est-ce que, peut-être pour finir, ce qui se passe en ce moment à Nuit Debout, ça peut être fertile, ça peut être un terreau à création? Oui, complètement. Moi, je suis trop... Je pense qu'on est tous... on sent que ça va créer vraiment quelque chose, en fait. Enfin, y a beaucoup d'artistes et j'en ai jamais vu autant dans des manifs. Bah, par exemple, le modèle de l'AG... où chacun est spectateur, mais en même temps peut participer. Le fait qu'il y a des décisions qui peuvent se prendre à, je sais pas, 200 ou quelque chose comme ça. Moi, c'est un modèle, par exemple, je me dis qu'est-ce que ça donnerait si on l'appliquait à la création, quoi. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut, je sais pas, créer à 200? Est-ce qu'on peut l'intégrer, comme dit Diana, en observant et en comprenant cette structure-là, qui a été inventée, bah, je pense, aussi grâce aux Espagnols et tout. Est-ce qu'on peut l'intégrer à notre art et le retranscrire à travers des formes, quoi? Et je pense que les artistes, ils regardent les choses comme ça, quoi. Ils regardent et ils se disent qu'est-ce que ce serait s'ils devaient le représenter même en abstrait ou à travers des figures aussi. Ok, bah nous on va s'arrêter là parce qu'on a d'autres choses après prévues. Mais si on veut suivre un peu l'art visuel debout, il y a un Facebook, c'est ça? Oui, on a fait une page Facebook, Art Visuel Debout, et on a fait un wiki, donc on a ouvert notre commission sur le wiki de Nuit Debout. Et si des gens veulent venir, on refait une réunion samedi à partir de 17h et jusqu'à 19h sur la place. Bon, bah le rendez-vous est pris et on va passer à la suite de notre antenne. Alors, on va passer à la suite de notre émission, mais pour vous raconter un petit peu comment ça se passe ici, il n'y a pas d'AG ce soir, Place de la République, et il n'y a pas beaucoup de monde. Là, on est une trentaine réunis sous notre petite tente un peu serrée. On se tient chaud parce qu'il fait très froid et qu'on a les pieds trempés. Il n'y a pas d'AG, il n'y a pas de gens qui crient, il n'y a pas de main levée, parce qu'en fait, les gens sont à l'Odéon ce soir. Toute l'AG s'est déportée là-bas, elle s'est placée à l'Odéon pour faire... une espèce de sitting, une soirée où tout le monde va se retrouver là-bas devant le théâtre qui est occupé par aux dernières nouvelles, une cinquantaine de personnes. Donc on ne pourra pas vous donner à entendre ce qui se passe sur cet AG parce qu'on n'a pas réussi à trouver d'électricité là-bas, on n'avait plus de générateur, enfin vous imaginez les problèmes qu'on a pu rencontrer. Donc on est Place de la République. On a des sons qu'on nous a envoyés, on remercie tout le monde parce que c'est vraiment sympa de recevoir chaque jour de différentes villes de France différents petits reportages sur ce qui se passe un petit peu partout. Et là, c'est radio... Grand reportage. Il n'y a pas de petit reportage. Et là, c'est Radio MNE qui nous a envoyé de Strasbourg deux grands reportages qu'on va vous faire écouter tout de suite. Et on remercie beaucoup parce qu'ils nous ont envoyé pas mal, Radio MNE. Ici, Radio Debout. Liberté des esclaves, l'étendard de l'espoir élevé, l'étendard de l'espoir élevé. Entendez-vous dans nos campagnes s'unir des chevaliers de la paix, s'élève en cœur l'humanité, pour l'argent ne vendez pas votre âme. Allez l'humanité, ensemble pour la paix, marchons, marchons vers la lumière. Brillera la nouvelle terre. Allons enfants de l'univers, la terre d'amour est arrivée. Regardez-la comme elle est belle, quand elle brille de sa lumière, quand elle brille de sa lumière. Au plus jamais je ne l'oublierai, ma terre que l'amour a sauvée, ses créatures et ses forêts retrouvèrent la joie de la liberté. Allez les animaux, élève les végétaux, venez dans la lumière, l'amour est sur la terre. Allons enfants des univers, aussi loin que vous entendez, Savez-vous le secret de l'histoire? Qui sera la plus grande victoire? Qui sera la plus grande victoire? Fermez les yeux et ressentez la lueur du fond de l'esprit. C'est là le secret de la vie. Par l'amour, nous ne faisons qu'un seul corps. Allez les univers, trouvez votre lumière. Brillons, brillons et fusionnons. L'amour nous unira. Bravo! Ouais. Eh ben, on remercie Radio MNE pour ce cover de la Marseillaise. Et puis on va écouter un second reportage qu'ils nous ont envoyé. Cette fois, ça s'intitule « Punk à chien ». Ok, vous pouvez juste vous présenter. Bonjour, je m'appelle Akawenta et je suis à la rue depuis ma majorité. Et toi ? Bonjour, mon surnom c'est Viking et je suis à la rue depuis quelques temps. D'accord, est-ce que vous vous revendiquez de l'appellation punk à chien ou pour vous c'est péjoratif comme je vois que vous avez des chiens et que vous êtes un peu punk Bah, personnellement, d'après mon expérience, j'en ai connu pas mal dans ma vie, des punks à chiens, c'est des personnes normales. C'est juste qu'ils ont un style différent vis-à-vis de la société. Ils sont pris à part, évidemment, parce qu'ils ne sont pas banalisés comme tout le monde. C'est des personnes étranges, bizarres, juste parce qu'on ne les connaît pas, juste parce qu'ils ont une dégaine pas normale vis-à-vis de la société encore. Et ce que j'ai à dire surtout, pourquoi je suis là pour le dire, c'est que, je le répète encore, c'est des personnes normales. C'est pas parce qu'ils ont des coupes un peu farfelu, hein, comme vous direz vous, et des chiens toujours comme ça, qu'ils écoutent du son de teuf ou qui fument des pétards. Tout le monde fume des pétards d'ailleurs, même les banquiers fument des pétards. C'est pour dire que il faut pas lancer des préjugés directement comme ça, quoi. Ça sert vraiment à rien, autant s'informer avant. Et si vous avez un problème avec eux, allez leur dire en face et vous verrez comment ils vous répondront avec respect. Ok, et alors donc vous êtes dans la rue, est-ce que pour vous ça change quoi du coup dans votre vie qu'il y ait un mouvement comme ça où plein d'autres gens se retrouvent dans la rue? Bah, c'est un mouvement qui regroupe des gens, qui fédère un peu les gens qu'il y avait sur Strasbourg, parce que plus ou moins il y a beaucoup de personnes qui avaient beaucoup d'idées à rassembler, beaucoup d'idées communes, et avoir un mouvement comme ça, justement, ça permet de faire en sorte qu'on se donne un endroit, plus ou moins entre guillemets en dur, malgré que ça fasse entre guillemets un squat, parce que des fois on est d'accord, ça peut faire peur, mais c'est pas ça le but. Le but c'est de partager des idées. C'était pas forcément regrouper tout le monde au même endroit pour faire un endroit. On recherche pas l'anarchie, on cherche juste à tous centraliser nos idées et à tous les exprimer en même temps pour avoir une meilleure voix par rapport aux élus. D'accord, alors j'ai entendu dire bon, qu'il y a un petit peu polémique sur le fait que justement il y a des gens bon, qui s'installent plus ou moins sur la place avec des chiens et tout ça, quoi. Que, enfin, je sais pas, on a l'impression que pour certains ça fait un petit peu tâche. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Bah, en fait, le truc c'est qu'on s'installe pas, c'est juste qu'il y a des gens qui viennent avec des chiens qui sont là pour partager les mêmes idées. Donc, du coup, ils sont là pendant la journée, ils discutent, ils partagent et souvent la nuit ils partent. Après, il y en a certains qui dorment nulle part, qui dorment dans la rue. Alors, pourquoi pas se regrouper tous à un endroit? Ça ferait moins de tâches partout dans les rues, comme ce que pourrait dire un bel élu qui, comme il est. Et du coup, on serait tous regroupés. Et puis personnellement, je trouve que de leur point de vue, ils devraient être contents parce que tous les Nolanders qui sont quasiment regroupés au même endroit, justement. Alors d'où est-ce qu'ils se donneraient le droit de nous juger? Parce que justement, c'est par la force des choses qu'on se regroupe tous ici. Nous, justement, on est là parce qu'on en a marre des jugements. Nous, on ne juge personne et on s'est carrément retrouvés là parce qu'on en avait tellement marre d'être jugés qu'on a voulu se couper de tout le monde et se renfermer avec des gens qui pensent comme nous. C'est normal. C'est comme la droite et la gauche. Ils sont avec des personnes qui pensent comme eux. Et justement, quel regard vous portez sur les revendications qui sont portées par le mouvement? Est-ce que d'après vous, ça représente toutes les catégories de la population, aussi bien des étudiants, des gens qui sont plus à la rue comme vous, plein de gens? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez représenté au même titre que... n'importe qui. Bah, en fait, le principe, c'est qu'on se représente nous-mêmes. Ouais, j'allais le dire. C'est pas le principe d'être représenté par des autres. C'est ici, on est là parce qu'on a, tous le même mouvement et justement, on veut se représenter soi-même pour se dire on est dans ce mouvement. C'est pas forcément pour regrouper différentes classes de gens qu'on est là, mais on est là pour regrouper les idées, comme je dis. Tout le monde, on est là pour tout le monde qui a la même idée, parce que tout le monde en a marre, tout le monde en a vraiment gros de ce système qui nous exploite, et on le sait absolument tous, et on veut tous trouver une solution pour vivre plus ou moins ensemble, parce que maintenant, à force des tensions, à force des impôts, à force de différentes choses, on est amené à avoir des tensions entre nous et se faire la guerre, se faire des reproches pour rien, et c'est un peu insoucieux, je trouve. D'accord, ben, merci beaucoup. Si tu veux rajouter quelque chose, un message à passer, profites-en. Est-ce que tu pourras changer au montage mon nom? C'est bon, je le coupe. Ouais, je vais redire mon nom alors. D'accord, donc toi tu es? Bonjour, mon nom à moi c'est Tahiti Bob. Voilà. Ok, merci beaucoup. Moi j'ai envoyé un surnom, ça va. Merci. Un message à passer à l'antenne de Radio Debout, c'est ce qu'on essaie de faire tous les soirs, donc évidemment vous êtes tous les bienvenus. Un grand merci à Radio MNE de Strasbourg et les Punkachiens qui nous envoient tous ces petits PAD jour après jour. Et évidemment on en profite pour lancer un appel à contribution. Envoyez-nous tous vos sons, tous les jours on écoute, on diffuse. Radio Debout. Radio Debout. Et tout de suite, on file à Lille retrouver Nicolas. Nicolas, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Super. Salut Nicolas, comment ça va ce soir ? Eh ben, écoute, ça va bien. Il pleut à Lille comme tous les jours, comme tu sais. Et puis, ça tombe bien parce que du coup, on a pu inviter les gens de Nuit Debout à l'intérieur, bien au chaud, au Théâtre du Nord. Ça veut dire que vous êtes à l'intérieur du théâtre que vous occupez ce soir, c'est ça ? C'est ça. Quelle est l'ambiance là-bas ? Eh ben écoute, en plus il y avait un spectacle, c'était plutôt un concert, un mec qui joue de la guitare, je sais plus son nom, mais en tout cas voilà. Nous on a décidé ça ce midi, vu qu'on s'est retrouvé en assemblée générale. C'est que vu, il y a les copains qui sont, il y en a qui sont à l'Odéon, il y en a qui sont à Montpellier, qui occupent le CDN de Montpellier, à Bordeaux, à Caen, moi j'ai fait la proposition, occupons le Théâtre du Nord, parce qu'on l'avait déjà occupé en 2014, et déjà par solidarité, et puis parce que c'est toujours aussi des négos, une éthique, en tout cas entre les professionnels, et qu'il faut pouvoir peser, ça peut être une manière de peser comme une autre, voilà. Et le théâtre là, il est ouvert, vous n'avez pas de problème. Allô, vous, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? 1, 2, allô ? Ah oui, ça y est, je vous entends. Le théâtre là, il est ouvert, vous n'avez pas de problème avec, la police, tout le monde peut rentrer au théâtre ? Eh ben écoute, là pour l'instant, en tout cas ce soir, tout le monde est rentré, parce que tous les étudiants de Lille 1, de Lille 3 qui sont mobilisés sur la loi contre la loi du travail. Les gens de Nuit Debout sont rentrés, et puis c'est tous rassemblés en fait. Dans le hall et au sous-sol pour une assemblée générale là, qui vient de démarrer. Et voilà. Et est-ce que vous êtes sur une occupation indéterminée de ce théâtre ou c'est uniquement une occupation pour ce soir et puis ensuite vous rendrez le théâtre ou est-ce que c'est une occupation permanente, indéterminée ? Ouais, on va prendre des choses un jour à la fois, mais pour l'instant, ce soir on occupe, cette nuit on occupe et après on verra ce que sera demain. Mais en tout cas, on est là, on est présent et puis on est déterminé. Du coup, l'ambiance est meilleure qu'au théâtre de l'Odéon à Paris, là, j'ai l'impression. Apparemment, oui. J'ai aussi eu les infos à l'Odéon. Là, ça chauffe, quoi. C'est violent, apparemment. Hein. Nous, les infos qu'on a et qu'on peut peut-être retranscrire à nos auditeurs, c'est qu'il y a eu un mouvement tout à l'heure. Les CRS empêchaient toute entrée et sortie, même autour même de la place de l'Odéon devant lequel se trouve le théâtre. Et puis, évacuation, fouille à tous les niveaux. Quel est votre ressenti, vous, par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a une espèce d'appel au soutien ou... Ah bah oui, c'est sûr. Bah, c'est aussi pour ça qu'on occupe le Théâtre du Nord, pour être solidaire des copains là, qui sont à l'Odéon. Et eux, ils ne sont pas dans des conditions confortables comme nous on peut l'être ce soir. Hein. Donc, je sais pas comment nous on peut les aider là-bas, mais en tout cas, on est ici et puis on est solidaires de ce qu'ils font. Hein. On a vu des appels passer sur les réseaux sociaux où on disait tous les théâtres ne joueront pas ce soir. Enfin, c'est un appel à ne pas jouer pour soutenir le mouvement. Eh bien, écoute, si on avait eu l'info avant, on aurait pu faire quelque chose, mais là voilà, on a pris la parole avant le concert, vu que ça, c'est un concert, c'est un mec seul sur scène. On a pris la parole pour expliquer pourquoi on occupait le théâtre, et puis on a dit aussi, on a rappelé qu'il y avait d'autres lieux qui étaient occupés, quoi. Et je ne sais pas, dans le théâtre où vous êtes, si demain il y a un spectacle, comment vous allez envisager la situation? Je sais qu'il y en a, je ne sais pas si demain il y en a un, mais en tout cas il y en a cette semaine, effectivement. Je crois même qu'il y a quelqu'un de la CIP d'Île-de-France qui joue dedans. C'est le spectacle de David Lefko, là. Et dans cette situation-là, est-ce que vous envisagez quoi, de tenir votre l'assemblée après le spectacle ou de d'une certaine manière de profiter du monde qui est là pour interrompre le spectacle et tenir une assemblée à la place? Comment vous pensez la situation? C'est pas moi qui vais décider ça tout de suite là maintenant. Je pense que ça, on va en discuter demain et selon les suites qui seront aussi données avec les camarades qui sont à l'Odéon. Hein. Une dernière question, à l'Odéon, j'étais au théâtre de l'Odéon, effectivement on ne pouvait pas rentrer, il y avait une assemblée qui s'est tenue, mais en fait l'assemblée était une assemblée qui parlait essentiellement de la situation des annexes qui concernent donc les intermittents du spectacle. Il y avait très peu d'intervenants sur d'autres problématiques, d'autres types de luttes en ce moment évidemment qui agitent tout le pays. Comment la teneur de l'assemblée dans votre théâtre, est-ce que d'autres types de luttes ont pris la parole? Oui, écoute, là en tout cas ce midi, c'était une assemblée vraiment interlutant, donc intermittent du spectacle, parce que voilà, on voulait parler aussi de notre problématique, mais en tout cas là ce soir, quand on a pris la parole, on a parlé effectivement du souci des annexes, mais on a parlé aussi de la loi El Khomri et puis de la dette en fait, de cette dette privée qui est devenue une dette publique que tout le monde veut nous faire payer avec le plan d'austérité de Hollande. Et ce soir, l'Assemblée Générale, c'est tout le monde, c'est-à-dire c'est effectivement des intermittents, mais aussi des étudiants, des syndicalistes qui sont là, des gens de la Nuit Debout, donc voilà, c'est plus large que le souci qu'on a avec l'UNEDIC. Écoute, je ne sais pas si on va rebondir là-dessus, est-ce que c'est un premier avancé, un tout petit pas, mais je disais tout à l'heure sur les réseaux que les négociations ont été interrompues à propos de ces articles-là, en soutien aux différentes manifestations qui ont lieu dans les théâtres occupés. Ouais. J'espère que ça continuera encore mieux dans les jours à venir et encore demain. J'imagine que les négos vont reprendre assez rapidement. Je pense que oui. En tout cas, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, en tout cas aujourd'hui. Quoi. Merci Nicolas. En tout cas, on ne manquera pas de revenir à vos nouvelles au Théâtre du Nord à Lille. Et voilà. Merci et je te dis à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Radio debout. Emmanuel, toi, tu étais au théâtre de l'Odéon tout à l'heure. Tu nous fais un petit point sur ce qui s'est passé, ce qui s'est dit là-bas. Mais écoute, j'y suis allé à peu près vers 17h30. Hein, j'étais au théâtre de l'Odéon, devant le théâtre de l'Odéon. Évidemment, on pouvait pas rentrer, mais au balcon. Il y avait cette énorme banderole, de l'argent il y en a, construisons l'avenir, quelque chose comme ça. Il y avait une vingtaine de personnes qui étaient sur le balcon, au parvis, au pied du théâtre. Nous étions à peu près peut-être 100, 150 personnes. Et puis vers 18h30, une manifestation venant de la Bourse du Travail est venue devant l'Odéon. Il devait y avoir au moins 400 personnes dans cette manifestation, donc nous étions à peu près 500 au bout d'un moment au pied du théâtre. Là, il y a eu vraiment des prises de parole au micro. Il y a une petite sono qui s'est installée, des prises de parole au micro pour expliquer un peu l'état de la négociation en ce moment autour de l'indemnisation chômage, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il y a eu également des prises de parole du haut du balcon, témoignant effectivement d'autres occupations dans d'autres théâtres, notamment à Lille. Et puis, assez rapidement, certains ont voulu rentrer dans ce théâtre. Donc, on tentait de forcer le barrage policier qui était mis en place. Et puis là, très vite, hein, la police a chargé, a doublement chargé à plusieurs reprises. Ça a été assez violent, d'ailleurs. Et on s'est retrouvé coincé sur la chaussée, coincé, disons, contre les façades. Vous savez que là où il y a le théâtre de l'Odéon, c'est une petite place, en fait, très étroite. Et voilà, donc la situation est bloquée, hein, de toute manière, au théâtre de l'Odéon. Hein, on ne peut pas rentrer. Il ne reste pas moins qu'il y a aujourd'hui au moins une trentaine de personnes qui occupent ce théâtre. La question est de savoir de qu'est-ce qui va se passer demain, parce que normalement, demain, une pièce est jouée, hein, au théâtre. Donc le théâtre devrait réouvrir demain. Est-ce que le moment de cette ouverture est le moment pour les uns et les autres de rentrer et de transformer effectivement ce théâtre en une agora? Ben, c'est un peu, on verra ce qui va se passer demain, quoi. C'est un beau symbole quand même ce qui est en train de se passer là. Ben, je trouve ça intéressant que les théâtres soient repris. Maintenant, ce qui est important, c'est que par contre, cette lutte dans les théâtres ne soit pas une lutte qui soit uniquement tournée vers la question des intermittents. Ça, c'est l'enjeu. Il faut, d'une certaine manière, que dans ces lieux se discutent toutes les luttes, comme c'est le cas Place de la République. Je crois qu'on peut être confiant là-dessus parce qu'on voyait, une fois de plus, grâce aux réseaux sociaux qui nous informent beaucoup. Mais la preuve, ce soir, il n'y a pas d'Assemblée Générale sur la Place de la République. Il a été décidé en fin d'après-midi qu'elle se passerait là-bas malgré les difficultés qu'il peut y avoir. Ça montre bien que le mouvement Nuit Debout va essayer de tenter de soutenir ces mouvements-là. Élise, tu voulais ? Mais pour l'instant, vous disiez que c'est le cas. Les débats devant le théâtre de l'Odéon ne concernent que les intermittents. Oui, c'est le cas. Ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on a pu constater. Enfin, c'est ce que j'ai constaté. Non seulement les débats concernent uniquement la question des intermittents, c'est pas rien, c'est important, mais elle ne concerne que la question des intermittents. Et d'une manière générale, c'est la question quand même, malgré tout, de la situation des chômeurs, mais tout de même focalisée sur les fameuses annexes des intermittents. Et puis par ailleurs, les prises de parole auxquelles moi j'ai pu assister sont des prises de parole plutôt à l'ancienne, c'est-à-dire, bon, la CGT, c'était le cas, hein, la CGT spectacle qui vient avec sa sono, qui parle. Bon, et puis après, c'est la CIP, la coordination des intermittents précaires qui parlent, et puis voilà, on a fait le tour, quoi. On n'est pas dans une situation telle qu'on peut le connaître ici, Place de la République, où il y a l'ensemble des commissions qui parlent, et puis ensuite toutes ces paroles libres. Là, on n'est vraiment plus dans cette situation-là. Donc je pense que c'est très important que ce qui se passe dans les théâtres reprenne d'une certaine manière ce qu'on a pu voir ici, Place de la République, ces derniers jours. Mais justement, comme l'AG s'est déplacé là-bas, l'AG qui a Place de la République s'est déplacé au théâtre de l'Odéon, peut-être que si le théâtre continue à être occupé demain, ce mouvement va se déplacer devant le théâtre. Il devrait. Seulement, je précise aussi que demain, il y a l'intercommission, hein, de toutes les commissions de la Nuit Debout, et elle se tient à la Bourse du Travail demain, et elle se tient à 19h. Donc, elle se tient pendant, normalement, l'AG. Ce qui est là aussi une autre problématique aussi à relever de cette intercommission qui est quand même importante et qui se tient normalement aux horaires de l'AG. Donc là aussi, c'est vrai que ça pose quelques difficultés quant au devenir de cette place ici, Place de la République. Et merci Manu pour ce petit point sur la situation au théâtre de l'Odéon, auquel on ne manquera pas d'y retourner peut-être plus tard dans la soirée s'il y a des avancements. Et pour l'heure, toujours en direct de la Place de la République où il fait bien froid, il faut le dire, et sur Radio Debout, on écoute la chronique de Fanche. Cric-crac, ah la belle équipe! Les médias traditionnels sont désemparés dès qu'ils sont dans l'impossibilité de circonscrire un mouvement à une tête d'affiche. Une tête de gondole, comme Benoît d'Aragon, d'Oza.com, appelle les journalistes de la matinale d'Inter, voire à une tête de Turc. Ceci expliquant cela, Radio Debout a publié hier sur Twitter un communiqué précisant qu'elle n'est pas le média de la Nuit Debout. Simplification des médias qui aurait trouvé là une caractérisation simpliste, pour ne pas dire simplette. Les médias passent, filment, enregistrent, écrivent et retournent illico dans leur rédaction. L'on comprend alors pourquoi, s'ils s'installaient sur place, on dirait vite que Libé est le journal du mouvement, France Culture sa radio, et iTélé, sa télé, CQFD. Les rédactions des organes de presse ne s'installent pas Place de la République, sûrement par un très grand souci d'une déontologie exemplaire. Pourtant, le Bondy Blog n'a pas déserté la banlieue. A-t-on jamais dit que c'était le média de la banlieue? Je continue à croire que tant que les médias continueront à regarder le mouvement par-dessus, ils ne pourront en capter sa diversité, sa richesse et ses utopies, pas plus que ses urgences. Pas plus qu'ils ne verront qu'il n'y a pas que des universitaires, des philosophes ou des anarchistes. Il y a au moins autant de plus de 40 ans que de moins de cet âge canonique. Mais il est tellement plus facile de mettre sur le compte de la jeunesse une contestation qui a gagné toutes les tranches d'âge jusqu'aux retraités solidaires. Continuez d'écouter Radio Debout ou regardez TV Debout. Vous êtes plus sûr de vous faire votre propre opinion. Vive la radio. Radio Debout. Radio Debout, 56 mars, place de la République, un soir sans AG. Merci chers auditeurs et auditrices de nous suivre. Nous allons parler d'un sujet maintenant qui circule énormément sur la place, qui a été évoqué en AG, qui a été évoqué dans certains médias, qui circule énormément sur les réseaux sociaux, à savoir comment photographier la place. Comment photographier la place de la République. Nous sommes en compagnie de Tess, qui est éditrice photo à Libération. Bonsoir. Bonsoir. Avec Stéphane Burlot, qui est photographe, distribué par Hans Lucas, et qui suit le projet Nuit Debout d'une manière assez engagée, on peut le dire, et avec Francis Azevedo, photographe brésilien, qui a un travail plus documentaire, plus détaché autour de la place. Je vais commencer par Tess. Tess, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu reçois comme photo de la place? Quel type de matériaux visuels est-ce que tu reçois de la place? Nous, à Libé, on suit le mouvement depuis le début, depuis le 31. On a plus des photographes de reportage, en fait, qui documentent avec leurs pattes, mais de manière assez... pas détachée, mais... je vais dire un mot, en fait, je vais tout de suite lancer un débat qui n'existe pas. J'allais dire objective, et c'est pas ce que je veux dire, parce que c'est pas de manière objective. Mais voilà, de manière très documentaire, en tout cas. Et je reçois aussi beaucoup de matériel avec d'autres angles, que nous, on traite pas, mais qu'il faut qu'on commence à aborder. Plus des portraits, avec des verbatims, des travaux plus froids à la chambre. On a vraiment... Il y a une grosse diversité, en fait, dans le traitement de la photo. Et ces photos que tu reçois... Elles te parviennent de photographes déjà, que tu connaissais déjà, ou est-ce que d'un seul coup il y a de nouveaux photographes que tu n'avais pas identifiés jusqu'à présent et qui sont nés dans le mouvement et qui t'envoient du matériel? Dans l'ensemble, il y a énormément de photographes à Paris qui bossent ici parce que c'est assez central, c'est abordable. Donc on a nos photographes de Libé habituels qu'on envoie sur le terrain en commande. Il y a les photographes des agences comme Stéphane pour Hans Lucas et il y a aussi des nouveaux photographes qui sont pas forcément professionnels d'ailleurs, qui peuvent être amateurs et qui se sentent impliqués politiquement dans le mouvement et qui racontent ça en images et c'est aussi des points de vue assez intéressants en fait et on en reçoit beaucoup, ouais. Est-ce que ça t'arrive de ne pas publier les photographes que tu as pris en commande sur la place pour privilégier un photographe engagé? On n'est pas en commande tous les jours sur la place, donc ça nous arrive d'avoir raté un événement et d'acheter des photos à quelqu'un d'autre. Après, non, c'est vrai que quand on paye un photographe, qu'on le briefe, qu'on l'envoie sur la place, on le publie, quoi. C'est un peu les règles du jeu. Mais après, on a aussi un espace, il n'y a pas que le print, enfin, il n'y a pas que le journal papier, il y a aussi le web sur lequel on peut faire des diaporamas. Donc il y a vraiment un espace pour les autres photographes que les photographes de Libé là-dessus, quoi. Alors c'est vrai que cette place est saturée hein, de présence, de personnes qui filment, de personnes qui font de l'image. Hein. Tout le monde aujourd'hui filme, tout le monde prend de l'image. Stéphane, peut-être que tu peux nous dire, toi, pourquoi tu te retrouves à photographier ici, par exemple ? Pourquoi ? Parce que je suis depuis très longtemps tout ce qui est gauche et gauche radicale. C'est mon sujet, donc voilà. Moi, j'étais donc depuis le début sur la place, même avant, puisque j'avais fait la réunion Fakir le 23 février là-bas, j'étais au courant. Donc voilà, il y avait une deuxième réunion après, 15 jours après, quelque chose comme ça, pareil à la Bourse du Travail. Et puis quand ça s'est déclenché, j'étais là. Ouais. Alors toi, quand tu fais les photos, tu as fait d'abord, disons peut-être des photos d'ensemble, un peu pour te rendre compte de l'ambiance, de ce qui pouvait se passer. Et aujourd'hui, tu travailles davantage des portraits, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que la première semaine, j'étais tous les jours là, enfin même pendant pendant les 20 premiers jours, j'étais là. Et au bout d'une semaine, bon, tu tournes un peu en rond. Donc, je savais que j'allais un peu me lasser au niveau travaux photo. Et j'ai voulu faire un travail plus portrait, plus, avec un message politique derrière. Je demande aux gens de choisir un mot qui représente leur lutte, leur engagement dans le mouvement, et de l'expliciter par une phrase. Donc, je fais des photos, des portraits au flash avec la statue derrière. Voilà. Francisco, toi, tu es sur Francis, toi, tu es sur un travail au long cours. Ça veut dire que les images que tu prends en ce moment sont pas des images qui sont tout de suite publiées. Non, en fait, j'essaie de faire un album par jour quand je suis là. Et du coup, j'ai prendre les photos dans une journée, dans la soirée, et le lendemain, j'ai la publié. Je passe en petite étape de traitement parce que j'ai fait en noir et blanc, donc j'ai un peu plus des choses à traiter. J'ai fait les triages et du coup, ça va prendre un peu de temps. Ça va être le rendement qui va être publié. Alors, c'est vrai qu'on a pu entendre dans les différentes AG qui ont pu se tenir des messages en disant, messieurs qui s'adressant aux personnes qui prennent des photos, en disant, bon, si vous prenez des photos, tout le monde n'a pas forcément envie d'être pris en photo, tout le monde n'a pas forcément envie d'être filmé, et en même temps, tout le monde filme, enfin, beaucoup de gens filment, beaucoup de gens prennent des photos. Comment cette question, là, vous la réglez de ceux qui, finalement, ne veulent pas être pris en photo? Alors, autant sur les portraits, c'est assez simple, mais dès qu'on est sur des photographies, disons, de foule, on est sur des photographies qui prennent des ensembles, comment vous réglez cette question-là de, il y a de plus en plus de monde qui ne veulent pas être pris en photo? Francis, moi particulièrement, j'ai eu deux ou trois fois des gens qui ne voulaient pas forcément être sur les photos. Donc, dès qu'ils me demandent directement, j'ai dit d'accord, je vais prendre dans un autre angle, je vais pas prendre la photo à vous. Après, dans la foule, je ne peux pas contrôler ça. C'est impossible de voir qui veut et qui ne veut pas de photo. On va prendre comme ça, quoi. Élise, par exemple, vous êtes au courant, vous savez si les gens ont donné leur accord pour la photo? Alors, moi, je suis pas photographe, mais Je t'en prie, Élise, vas-y, continue. C'est Tess. C'est pas grave. Pourquoi, Élise? Test. Ouais, nous, à Libé, on demande à nos photographes aussi de dire pour qui ils travaillent. Enfin, c'est assez important, en fait, pour nous, de respecter l'anonymat quand il est demandé, en fait. Et les photographes peuvent aussi décaler, prendre les gens de dos. Enfin, il y a des personnes qui ont des positions assez radicales là-dessus. Moi, je pense qu'il faut respecter et que c'est le droit de chacun de ne pas apparaître en pleine page de Valeurs Actuelles, enfin, d'avoir un minimum de contrôle sur son image. Et ça ne me paraît pas choquant. Et je demande aux photographes de respecter ça, en général. Alors au téléphone, Tess, un photographe avec lequel tu travailles régulièrement, Alain Keller, de l'agence Myop. Alain, est-ce que tu nous entends? Oui. Alors Alain, écoute, il y a quelques jours, tu as publié sur ton profil Facebook un statut, et notamment une photo où on voyait une banderole, commission non mixte, et ne pas photographier SVP. Tu as accompagné cette photographie d'un long texte sur la liberté d'informer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que ton post, de ce que ton statut Facebook a pu provoquer comme réaction? Oui, c'était énorme, beaucoup plus que je ne le pensais. Alors d'abord, j'ai été très surpris de voir pas de photo SVP sur une place publique, en l'occurrence la place de la République qui est le centre de Paris. Donc j'ai fait la photo où on voit une photo de groupe, ce qui est tout à fait légal, avec la banderole, puisque c'était la chose qui me sautait immédiatement aux yeux. Et je fais un journal qui s'appelle le journal d'un photographe, que je sors tous les jours, donc j'ai publié cette photo. Et j'ai dit que j'avais fait cette photo parce que je trouvais totalement invraisemblable que dans un lieu public et dans une manifestation publique, on nous intime l'ordre de ne pas, parce que c'est un ordre, même s'il y avait marqué SVP, le SVP finalement c'était pour la galerie, on nous intime un ordre de ne pas faire de photo. Si j'ai mis cette photo, c'est parce qu'il m'est arrivé un deuxième incident un peu plus tard, où il y avait un groupe qui se réunissait, un groupe, une quinzaine, trentaine de personnes. J'ai voulu faire une photo et d'un seul coup, j'ai vu les gens bouger leurs mains, faire un petit truc avec leurs mains. Je comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Finalement, je me suis dit, ils sont pas d'accord. Et j'étais surtout invectivé dans les deux cas par des personnes qui contestaient mon droit en tant que photographe à faire des photos. Enfin, en tant que photographe ou même si j'avais été un amateur, ça n'a aucune espèce d'importance dans ce cas-là. Donc j'ai publié la photo, j'ai parlé dans le blog de ce qui se passe, de la Déclaration française des droits de l'homme, du citoyen de 1789, etc. D'autres sources qui sur les journalistes et le droit d'informer. Et ensuite j'ai eu des réactions qui ont été pour le moins à la fois excessivement nombreuses. Jamais je n'aurais imaginé mon blog puisse amener autant de réactions, et souvent excessivement violentes. Alors au départ, on parlait du féminisme, puisque Alain, est-ce que tu peux nous décrire ou nous lire, par exemple, certaines des réactions que tu as reçues sur ton profil Facebook à la suite de la publication que tu as faite? Oui, alors je les cherche, là, j'ai l'ordinateur devant moi. Alors comme j'en ai plus de 100, je vais essayer de trouver... Donc ça a été un vrai débat dans ton... Ça a été plus qu'un débat, parce que ça a été très violent, et ça a été... alors il y avait les pros, hein, les pour, et puis les contre. Voilà. Le premier contre, c'est... liberté d'informer égale démocratie, point d'interrogation, enfin, d'une certaine conception de la démocratie, si tant est que l'on accepte que le système de la représentation, parlement, etc., avec la Déclaration des droits de l'homme, serait essentiel à la démocratie, CQFD. Cette identification, cette incarnation de l'une par l'autre, est surtout historique et géolocalisée. Ne pas la reconnaître est tout de même le signe d'une inculture politique et historique, l'ethnocentrisme européen dans toute sa superbe. Ça, c'était le début. Ce n'est pas parce qu'Alain Finkielkraut a été écarté ou viré de la place de la République avec plus ou moins de totalité. On s'était promis de ne pas prononcer ce nom ce soir, Alain. Parce que ça va faire une émeute. Non, parce que ça va encore faire des statuts Facebook. Ouais, que la démocratie n'existe pas et que tous ceux qui l'ont viré sont des fachos. Vous devriez jeter un œil sur ce qu'est l'ostracisme en Grèce antique. Là, on partait sur des trucs complètement invraisemblables. Attendez, je les recherche, hein, parce que... Alain, je ne sais pas, Alain, si vous m'entendez, mais moi, ce que j'entends, enfin, ce que je pressens, enfin, ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas tant un problème à l'égard, disons, de la question de la liberté de faire de la photographie ou de l'image. C'est que je pense qu'il y a une méfiance quant à la manière dont ces images prises circulent. Je pense que le vrai problème est peut-être là. Je ne sais pas si les uns et les autres autour de la table peuvent parler, mais c'est, par exemple, des images, on ne sait pas où elles vont se retrouver, dans quel contexte, quelle légende va être avec ces images, comment elles vont être mises en narration. J'ai l'impression que le problème, il est aussi là. Il y a sans doute de la vérité dans ce que vous dites, mais alors, à partir de ce moment-là, ça implique, ça amène une espèce de censure vis-à-vis de ceux qui font les photos. Je crois qu'il faut pas être trop hypocrite. Il y a les photographes professionnels dont c'est le travail qui font ça. Effectivement, on ne maîtrise pas tout le temps ce que deviendra la photo. Mais il y a aussi des amateurs qui font des photos, qui vont les passer sur Facebook et sur le et là ils auront des retours, etc. Je crois que le fond du débat, c'est que les personnes qui s'opposaient et qui s'opposent ne veulent pas connaître le travail du photographe, l'ignorent, lui retirent un droit fondamental qui est le droit fondamental d'informer, et d'une certaine manière pratiquent une censure sans savoir, parce qu'eux ne peuvent pas savoir où va aller la photo. Donc si on ne le sait pas, on n'a pas à censurer et on n'a pas à interdire à quelqu'un de faire une photo, de prendre du son ou de filmer. On ne fait pas la même chose, par exemple, avec les gens qui écrivent. Bien sûr, on les voit pas écrire. Avec les gens qui dessinent, ça c'est quelqu'un qui me disait, mais les gens dessinent, on va pas les embêter. On va faire réagir la table autour de Radio Debout autour de ce problème. Tess, est-ce que tu peux par exemple réagir? Moi je suis pas trop d'accord avec Alain, en fait, parce que je pense que c'est des photos aussi qui sont à libre disposition de tout journal. Il m'entend pas. Attends. Alain, je suis en train de dire que je suis pas trop d'accord avec toi, en fait. Ouais. Je pense que, parce qu'en effet, les photos vont être en libre disposition sur des plateformes, comme tu sais bien, et que du coup, on n'a aucun contrôle, même en tant que photographe, sur qui va les publier. Et à partir de là, tu peux, toi, être à l'AG de Nuit Debout et faire la une de Valeurs Actuelles sur un truc absolument infâme. Oui, mais c'est pas une raison pour les interdire. Et du coup, et je dis pas qu'il faut montrer pas de blanche et que tous les photographes... On fait des photos et personne ne peut nous interdire de les faire. Après, après c'est valable pour tout. Alain, il y a des tas de gens qui vont écrire. Alain, on va laisser un peu les uns et les autres s'exprimer. Je pense qu'il y a juste une dimension entre... l'invitation des gens qui sont sur la place à dire s'il vous plaît ne nous prenez pas en photo, à la question de la censure et tout ça. Là je pense que peut-être qu'il faut faire attention aussi à ne pas tout de suite dire c'est de l'interdit, c'est de la censure. Il y a certes en tout cas des demandes qui s'expriment de plus en plus à ce que les photos ne soient pas prises n'importe comment. Maintenant c'est pas encore non plus la question non mais surtout censure. Moi je pense qu'on peut contourner en fait, il y a toujours moyen de trouver de raconter l'histoire d'une autre manière que par un visage qui refuse d'être montré et du coup ça amène les photographes à être plus créatifs aussi parfois. François. Alors, concrètement, la photo du groupe que j'ai fait, on ne voyait pas les visages. On ne voyait pas les visages, puisqu'il y avait une cinquantaine de personnes qui se trouvaient sur la photo. À partir du moment, s'ils avaient demandé dans la banderole, ne prenez pas de gros plans. Mais là, je me serais exécuté. Moi, ma manière de travailler, c'est de faire des plans relativement larges. Ça ne m'intéressait pas, dans ce cas-là, de faire des gros plans. S'ils avaient marqué pas de gros plans parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire reconnaître, d'accord. Là, il y avait effectivement une question de peut-être de protection de vie privée. Mais à partir du moment où il y a 50 personnes qui sont sur une photo, ou la photo que j'ai mise aujourd'hui sur le blog, où il y a 250 personnes qui sont sur la place de la République... C'est totalement ahurissant de faire ces demandes. Alors Alain, on va écouter la réaction. Je voudrais juste dire autre chose. En sachant qu'il y a d'autres photographes qui ont fait des photos que j'ai vues sur Facebook et qui étaient des photos où on voyait beaucoup plus les personnes que sur la mienne. Donc n'importe qui peut faire des photos de toute manière sans être vu avec un iPhone, que ce soit un professionnel ou un amateur. Ces photos, effectivement, elles vont circuler, mais c'est pas l'interdiction. Au contraire, plus on interdit, plus il y aura de photos. Alors on va écouter Stéphane sur cette interdiction d'interdire. Oui, moi... j'étais là depuis le début, j'ai fait quasiment toutes les nuits. J'ai eu très très peu de. J'entends pas plus que Tess. Hein. Ouais, j'ai eu très très peu d'interdiction de photographier. En AG, parfois, les gens mettent leurs mains devant le visage pour signifier qu'ils ne veulent pas être pris en photo. J'ai eu en AG une fois une personne qui commençait à râler au général, pas de photos et contre les photographes. Voilà quoi, c'est vraiment très très limité. Dans mon cas, il y a la commission féministe qui elle affiche pas de photos. On ne connaît pas vraiment leurs raisons. Elles explicitent pourquoi elles veulent pas pourquoi il y a des commissions qui sont non mixtes. Ça c'est explicité, les photos elles explicitent pas. Et quant à la volonté de certaines personnes de rejeter les médias, je pense que c'est une méfiance envers les médias en général et l'utilisation, la publication de ces photos dans certains médias qui ne veulent pas de ça. C'était le sens du poste d'Alain, d'ailleurs, qui n'était pas uniquement sur les photographes, c'était sur la liberté d'informer sur la place. Ouais, mais je pense que ce n'est pas le photographe qui est visé, c'est l'utilisation des photos qui seraient reprises par des médias dont ils ne veulent pas... ils n'approuvent pas la ligne éditoriale. On peut pas tout vérifier, tu le sais, toi, Stéphane, tu es photographe. Ah oui, oui, non, c'est mais absolument après... impossible de vérifier les sources. Maintenant, on veut pas se faire photographier. Les féministes ne voulaient pas se faire photographier. Eh ben, ils se mettent pas en plein milieu de la place de la République à 11h du soir quand il y a 50 000 personnes. Ça, j'ai pas dit, Alain, que j'étais d'accord avec la position féministe. Ça, je trouve ça pas tellement non plus réglo, enfin légal de faire ça, mais c'est pas le débat, voilà, on va dire. Après, c'est leur volonté. Par contre, ça, c'est pas explicité. Ça, devrait l'expliciter. Pourquoi pas de photos ? Là, voilà, on sait pas. Il y a aussi une situation tout de même sur la place de la République, mais d'une manière générale sur ce mouvement. C'est pas un mouvement qui est uniquement tourné vers ou contre uniquement la loi El Khomri. C'est un débordement général. Et donc c'est aussi un mouvement qui dit stop à un certain type de médias, qui dit stop à une certaine manière d'informer, de la même manière qui dit stop à une certaine manière de gouverner. Enfin, c'est un débordement général. Donc... Oui, mais ça doit pas entraver le travail documentaire. Mais c'est pas une question d'entraver. Si, ça entrave le travail documentaire par C'est une question d'entraver, oui. En fait, oui, c'est une question d'entraver le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et y compris la manière dont les médias informent. Oui, je crois que dans ce mouvement, il y a quelque chose d'une volonté d'entraver le système tel qu'il a lieu aujourd'hui, et y compris le système médiatique. Donc forcément, nécessairement, il y a une méfiance à l'égard des gens qui prennent des photos comme des gens qui filment quant à la manière dont, dans le système, cela va être traité. Oui, il y a des volontés d'entrave à cet endroit-là, bien sûr. Alors on va écouter la réaction de Francis, qui justement n'est pas du tout dans le système médiatique, qui commence dans le système médiatique par un travail documentaire. Oui, comme j'avais dit, j'ai pas eu de problème, des grands problèmes pour l'instant avec les gens qui veulent pas prendre photo. Comme ils me demandent, je sors quoi. C'est pas non plus la photo à n'importe raté que je vais pleurer si j'arrive, quand j'arrive à la maison et que j'ai pas eu. Je vais juste prendre une autre chose. Il y a plein de choses intéressantes à prendre dans la place, donc tu fais un petit tour et tu prends une autre chose. Voilà, il n'y a pas de grand problème là-dedans pour moi. Si quelqu'un n'est pas d'accord, n'est pas d'accord. Il a son droit de ne pas être d'accord. Après, comme je l'ai dit, dans la foule, je ne peux pas demander à 1000 personnes s'ils sont d'accord ou pas pour la photo. Voilà, mais tu as eu des problèmes avec les Black Blocs, par exemple, avec les personnes qui utilisent de la violence pour militer ? Non, pas du tout. J'ai jamais eu de problème avec eux. J'essaie toujours de bien me positionner, de savoir comment je vais prendre la photo. Je les assure d'une manière ou d'autre, en train de dire, je fais ce travail-là, s'ils viennent me demander, s'ils ne viennent pas me demander, j'évite de prendre leur visage. Voilà quoi, c'est juste une façon de se positionner, savoir comment tu vas diffuser tes photos et comment tu vas les traiter. Mais moi aussi j'ai fait ça, j'ai fait ça dans les deux cas de figure où je me suis fait interpeller. J'ai fait attention de ne pas prendre les visages, je prenais des photos où les gens étaient loin et où on n'allait pas les reconnaître, mais il n'empêche que de plus en plus, il n'y a pas que Place de la République, il y a beaucoup d'autres endroits où les gens estiment avoir un droit sur le photographe en lui interdisant de faire des photos. On le voit dans la rue aussi, ça m'est arrivé dans d'autres endroits, des trucs totalement aberrants, où on te dit on ne peut pas faire de photos, on n'a pas le droit de faire de photos. Pourquoi on n'a pas le droit? Les gens ne sauront pas dire pourquoi ils n'ont pas le droit. Donc ce n'est pas spécifique effectivement à la Place de la République, sauf que Place de la République, il y a beaucoup, il y a une concentration de gens et qui véhiculent sans doute par moment. Alors je ne dis pas tous, hein, il y a des gens qui sont très sympas, mais par moment ils véhiculent ce truc, t'es photographe, pas de photos. Et ils ne vont pas savoir ce que tu fais. Si tu as un téléobjectif, tu peux faire des gros plans, on ne te verra pas faire les gros plans. Et ça sera la photo qui fâchera. Quand on travaille, et Stéphane le sait, on travaille avec les mêmes focales, c'est du 35 ou du 50, donc on est positionné relativement loin et on ne fait pas de portrait. Et le portrait, effectivement, prêt, je demanderai dire, prêt, à quelqu'un. C'est prêt. Francis ? Je comprends parce que j'ai fait de la photo de rue aussi. Et souvent, quand les gens me voient en train de prendre la photo, ils viennent me demander pas de photo. J'essaie de les assurer. Des fois, j'efface devant eux s'ils sont d'accord ou pas. Voilà, ouais. C'est juste une question de savoir comment on va faire. Moi, je prends souvent photo de rue. J'essaie de prendre souvent des portraits, des très très près. Et, alors, des fois, les gens rigolent, des fois, les gens rigolent pas. On peut leur demander si c'est très près, parce que là, on peut comprendre qu'effectivement, là, on est beaucoup plus dans le droit à l'image, alors que dans les photos de groupe, on n'est pas du tout dans le droit à l'image. Donc moi, je peux comprendre que les gens soient un peu gênés quand on les fasse de près, et que là, dans ce cas-là, ben, moi aussi, s'il y a quelqu'un qui ici a une scène qui est bien, je peux dire, ça vous dérange pas, je fais la photo. Bien que souvent, quand on demande à faire la photo, ça casse complètement le sujet, le moment. Mais bon, ça c'est autre chose. Est-ce que, je voudrais demander à Tess et puis à Stéphane, au fond, là encore, je pense que dans ce mouvement, il y a l'idée aussi, ou en tout cas la volonté, de partir d'une confiance brisée. Mais une confiance brisée entre nous, dans une capacité en nous de se faire confiance, et pas uniquement une confiance à l'égard des photographes, mais tous les gens qui sont ici sur la place sont aussi dans une tentative de voir comment il est possible à nouveau de se faire confiance entre nous pour monter des luttes ensemble. Et au fond, c'est aussi la question de la confiance qui est posée. De toute manière, il y a une vraie crise de confiance, c'est clair, du côté des médias. Donc, de toute manière, ouais. Est-ce que c'est pas là aussi, Tess, justement, vous, comment vous travaillez cette question, encore une fois, à Libération, comment vous faites avec cela? Parce que c'est toujours facile de dire c'est les autres médias, mais au fond, comment vous, vous prenez en charge cette question à l'intérieur de votre propre média. Cette question d'une crise radicale de confiance vis-à-vis des médias. Bah après, moi, je vais parler du côté de la photo, pas du côté de la rédaction. Mais c'est vrai que nous, par exemple, on essaye d'envoyer des photographes qui sont... on a 2-3 photographes qui travaillent sur la thématique, qui sont les mêmes et qui sont très intéressés par le mouvement, en dehors même du fait d'être en commande pour Libé, ils y vont par eux-mêmes. Et du coup, qui, à force d'être sur la place, ont aussi acquis cette confiance. Par exemple, moi, je suis assez étonné. On parlait du dessin tout à l'heure. Et ici, Place de la République, il y a une commission dessin qui s'appelle Dessin Debout. Et qui fait ce travail, par exemple, d'archiver tous les dessins qui sont faits, qui fait un appel à ce que tous les dessins qui sont faits puissent... Les dessins. Une commission dessin. Et je continue. Ici, par exemple, on parle dans une radio qui s'appelle Radio Debout. C'est-à-dire qu'on réinvente un média, ici. De la même manière qu'au niveau des dessins, il y a quelque chose qui est réinventé. C'est-à-dire la question de la réinvention d'un média, elle est posée dans ce mouvement. Et TV Debout ou Radio Debout, c'est l'exemple même de la réinvention des médias. On aurait envie de se dire, il pourrait y avoir une agence de presse photo debout. Et on pourrait se dire, les photographes qui sont là, qui prennent des photos, au lieu de les prendre que pour eux, ou au lieu de les prendre pour des trucs, ils pourraient se réunir. On va poser la question aux photographes, si tu permets. Mais vas-y. C'est la question. Ça se passe pas comme... Allô ? Ouais, c'était quoi la question ? Pourquoi, par exemple, les photographes ne se sont pas regroupés, ici, les photographes ? Il y a un Media Center dans La Nuit Debout. Et il y a des gens... Media Center, enfin, ça fait partie de la commission. Et donc, il y a des photographes qui envoient des photos, soit préfaites à l'iPhone, soit autrement, et qui les envoient sur ce qui se passe sur le lieu, et pour tweeter immédiatement et compagnie. Je ne sais pas si ce Media Center, il est, rattaché au mouvement, comme le peut l'être d'une certaine manière ici, Radio Debout, avec le nom Radio. Il y a des gens tout autour qui travaillent. Il n'y a pas de commission exactement sur place, comme on peut les voir pour les autres commissions. Mais il y a des gens qui travaillent sur le Facebook, l'Instagram, le Twitter, et qui reçoivent des photos qui sont diffusées après. Mais tous les photographes ne vont pas aller voir les commissions pour leur montrer leur travail et leur dire, monsieur, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ? On est des gens qui sont indépendants, qui sont raisonnables. L'immense majorité des photographes qui vont sur la place, ils vont avec des préjugés favorables sur ce mouvement. Mais on n'a pas de compte à rendre à personne. On fait notre travail. On fait un travail de groupe. Nous, à l'agence Myop, on est plusieurs photographes à avoir couvert ça. Peut-être à un moment donné, on pourra faire un recueil en confrontant nos regards, en disant, voilà, Nuit Debout, on a été 5 photographes à aller faire des photos, et bien on essaye de faire un livre, voilà, c'est notre vision, mais ça ne sera pas une vision qui sera imposée par quiconque. Non, mais je t'arrête, Alain, c'est pas un comité de censure des photos faites par des photographes ou des agences sur la place. C'est des photographes ou des gens qui envoient des photos pour participer à la diffusion de l'information de ce qui se passe sur la place, pour que ça soit indépendant, et voilà, c'est les... Alors c'est quelque chose de parallèle. Le mouvement Nuit Debout a besoin d'informations immédiates et pas passer par des médias payants, du bénévolat. Mais là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y ait des gens qui interfèrent auprès des photographes en disant, pas de photos, vous n'avez pas le droit de faire des photos. C'est ça qui me gêne, quoi. Alors, est-ce que t'as pas l'impression que c'est une petite minorité quand même qui interfère ? Si, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu, mais comme toutes les minorités, elles sont agissantes et elles peuvent être menaçantes. J'ai pas trouvé là sur mon blog parce qu'il est les résultats, parce que c'était très long, mais ce qui m'est revenu après, ça devenait un débat complètement démentiel et qui s'éloignait finalement de tout ce que l'on faisait, à savoir on essayait de documenter un mouvement en y mettant nos images, en y mettant nos mots. Peut-être que j'ai été un peu dur au départ. En disant on m'a empêché de travailler, je trouve ça absolument inconcevable. On m'a embêté, je trouve ça absolument ahurissant, parce que on est des photographes indépendants, on sait ce qu'on fait et on n'a pas de compte à recevoir de gens. Alors je voudrais faire réagir la table autour d'une anecdote qui nous est arrivée ici à Radio Debout, à savoir nous avons reçu un ministre grec, Varoufakis, autour de cette table. Et il était à peine arrivé autour de la table qu'une dizaine de personnes ont délibérément élevé des paréos, des chèches, tout autour de la table pour qu'aucune photo, aucune image ne soit prise de cette rencontre. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane ? Je n'étais pas au courant de cet épisode-là. Donc, je trouve ça étrange quand même, mais bon. C'était quoi leur but ? On a une idée ou pas du tout ? Non ? Eux, ils l'ont explicité comment ? Alors apparemment, c'était pour protéger des images où Varoufakis était extrêmement exposé ce soir-là. Et il y a eu une dizaine de paréos qui... On a été enfermés, en fait, avec Varoufakis. C'était très intime, une sorte d'alcôve de chèche. Aucun photographe n'a pu travailler ce soir-là. C'est absolument aberrant parce qu'on décide pour le ministre ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon. C'est ahurissant, on est encore une fois sur une place publique. Lui, il accepte de venir à votre radio, donc sous-entendu, il va y avoir des photographes, il va y avoir le presse, il va être photographié. Et il y a des gens qui s'interposent et qui décident pour quelqu'un d'autre de faire quelque chose. C'est une atteinte à la liberté. Est-ce que vous avez vu, est-ce que Tess, Stéphane, Francis, est-ce que vous avez vu d'autres actes comme ça d'interdiction de photographier ? Parce que là, c'était un acte immédiat. Non, j'ai pas vu. Pour les bonhommes, franchement, ça m'intéresse pas. Je prends pas forcément les hommes politiques en photo. Ça m'intéresse pas du tout. Il y a déjà plein de photographes qu'on sait. Je préfère prendre plutôt les gens ordinaires qui sont dans la place, qui font plus de politique qu'eux, en fait. Donc, j'ai loupé les bonhommes, mais j'ai pas eu, même pas envie de les prendre en photo. Je fais une autre chose. C'est pas ça la question, c'est l'acte, bien sûr. Moi aussi, je préfère. Les hommes politiques ne m'intéressent plus. Mais la question, c'est pourquoi on a tenté d'isoler comment il s'appelle, je me souviens pas son nom. Varoufakis. Alain, si on est au niveau des actes, tous les jours il y a des actes condamnables. Ben, je veux dire, il y en a tous les jours, et y compris sur cette place. Mais non, mais là bien sûr, là c'est un cas spectaculaire. Mais je veux dire, tous les jours il y a des actes condamnables, mais qui sont totalement isolés, pris par l'initiative de quelques-uns. Mais what quoi ? C'est absolument pas la question. Enfin, on peut pas tirer du fait de quelques-uns ou d'une situation comme ça dans laquelle tu te retrouves avec une commission, dont en plus je pense que tu aurais pu sans doute parler un petit peu avec eux en disant pourquoi, en leur posant des questions, peut-être qu'ils t'auraient répondu. Non, je parle tout le temps, moi. J'essaye de comprendre, mais je dis on ne m'empêche pas de faire de photos. Alors, bien sûr, il y a des gens qui agissent d'une manière assez surprenante. Mais c'est aussi aux organisateurs de Nuit Debout de dire attention, nous on veut être libre, on se bat pour avoir une liberté de faire ce qu'on veut, n'empêchons pas les photographes de faire leur travail. Alors merci Alain, écoute, le débat se poursuit sur la page Facebook de Radio Debout et j'espère pas trop sous ton statut Facebook qui a déjà recueilli quand même pas mal de réactions positives comme négatives. Il y a eu un texte dans la Gazette Debout qui est assez intéressant, un texte à lire sur le site. De Sophie E. Voilà, exactement, de Sophie E. Fait suivre. De la liberté d'informer. Voilà, exactement. Mais je vais me tourner maintenant vers les photographes qui sont en plateau pour vous demander qu'est-ce qui reste à photographier de Nuit Debout aujourd'hui, ce soir. Moi, maintenant, j'essaie parce qu'il n'y a pas d'âgé, ce soir. Il n'y a pas d'âgé, mais comme les autres jours, j'essaie de tourner en paix dans la place, mais surtout faire les actions. Parce que je pense que les actions sont un moment très intéressant et très important à montrer. Nuit Debout, c'est pas qu'il y ait la place. Nuit Debout, c'est les actions, ce qui se passe dans la journée. C'est Odéon, c'est en train de se passer à Odéon. C'était aujourd'hui au ministère du Travail. Donc, essayez de montrer qu'il y a d'autres choses aussi à Nuit Debout, que c'est pas ça. Oui, je suis d'accord pour les actions qui ne sont pas assez documentées. Et puis la convergence des luttes, quoi. Le 28, déjà, grosse grève générale. Le 1er mai également. Là, il y aura de la chose à photographier entre les syndicats et les gens de Nuit Debout, les citoyens. Et puis peut-être les banlieues aussi, bientôt. Hein, ça commence à monter à gauche, à droite. Donc voilà, il y aura plein de choses. Peut-être aussi le monde paysan. Parce qu'on voit peu d'images de province en ce moment. Quand même. Ouais, mais le monde paysan aussi à rassembler. Hein. Là, sur les banlieues, à Marseille, s'est tenue samedi une assemblée générale Nuit Debout dans les quartiers des Flamands, qui est un des quartiers nord de Marseille. Moi, je trouve que je vais prêcher pour ma paroisse qui est Libé, mais nous, on a suivi, on fait une double sur l'Odéon demain, on a suivi l'AG à Marseille, on a fait Saint-Denis, on essaye de ne pas être que Place de la République, on a été à Nîmes, on a été un peu partout. Voilà. Après, moi, ce que j'ai peu vu encore à Nuit Debout, c'est peut-être des travaux plus décalés encore, genre plus plasticiens à la chambre. Ça, c'est des choses que j'ai pas du tout vues et qui seraient intéressantes. Peut-être juste quelque chose de très architectural sur la place, la construction, la déconstruction. Ça, c'est des choses que j'ai moins vues encore. Eh ben, un grand merci à vous trois, vous quatre, pour avoir participé à ce débat qui se poursuit sur Twitter, sur le site de Radio Debout. On va revenir dans quelques minutes. On va essayer de joindre quelqu'un à Odéon pour voir où en est la situation. Et on poursuit dans quelques minutes avec Manon. Oh, Radio Debout. Qui est le cinéma, non pas du tout, le graine et cinéma, je me disais bien qu'il y avait un peu du cinéma quand même dans cette histoire. Alors le temps de s'installer, hop, parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de la table. Alors un instant, voilà, pour vous donner un peu une idée, il s'est arrêté de pleuvoir, j'ai l'impression qu'on s'est un peu réchauffé grâce à la soupe de la cantine à prix libre. Et puis mais c'est toujours un peu calme parce que comme on vous l'a dit tout au long de notre antenne, l'AG s'est déplacé du côté d'Odéon. Alors peut-être vont-ils venir vers nous plus tard ou peut-être pas, en fonction. Donc voilà, on est en train de s'installer tranquillement mais sûrement. On est bon ? Mais on est bon, absolument, on est bon. On vient effectivement de se réchauffer avec une petite soupe de légumes, ce qui est parfait car nous allons parler graines, semences, plantations, tout ça. Donc voilà, nous sommes autour de la table avec Manon et Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Donc toi, tu es venue ce soir pour nous parler d'une association qui opère globalement entre la France et la Syrie et qui est une association qui s'appelle Graines et Cinéma. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Alors, Graines et Cinéma, elle est née de l'initiative de Zoé et Ferdinand Beau qui sont partis en voyage au Liban. Et au Liban, ils ont rencontré des cultivateurs dans la plaine de la Bekaa. Et dans la plaine de la Bekaa, ils ont rencontré aussi énormément de Syriens. Du coup, comme le Liban est un pays limitrophe avec la Syrie, il y avait beaucoup de réfugiés. Et ils ont commencé un petit peu à parler avec ces réfugiés syriens, travailler avec eux dans les potagers. Et quand ils étaient là-bas, je pense que du coup, ils ont rencontré des agriculteurs qui ont lancé un appel au don de semences paysannes. Ils ont lancé un appel mondial au don de semences paysannes en direction du peuple syrien. Et donc ils ont rencontré ce collectif et ils ont décidé, eux, de répondre à cet appel au don de semences pour la France. Et donc ils sont rentrés en France après ce séjour au Liban et ils se sont dit on va faire Graines et Cinéma. Ils étaient déjà dans un réseau qui s'appelait le CNA, qui est un réseau de cinéma ambulant. Et qui opère, je pense, en Afrique et un petit peu en France, et qui a du matériel de projection dans des camions et qui projette en Afrique et en France différents films. Et donc ils avaient ce matériel de cinéma à disposition. Ils se sont dit nous on va projeter des films sur les semences et sur ce qui se passe en Syrie. Dans le sud de la France et ça permettra de sensibiliser les gens à la Syrie, à la problématique des semences et de faire des appels aux dons dans différents lieux dans le sud de la France, dans le bassin méditerranéen. D'accord. Et donc, en fait, ce que voulait ce collectif d'agriculteurs, c'était que des gens envoient des semences pour la Syrie, donc à l'intérieur de la Syrie, pour planter en Syrie. Pas forcément. Donc pour le peuple syrien. Ça peut être aussi bien en Syrie qu'au Liban ou en Turquie. Donc voilà, dans les pays limitrophes également. D'accord. Et donc, comment est-ce que ça s'organise tout ça, justement ? Comment ça s'organise ? Alors, à l'échelle de Graines et Cinéma, comment ça s'organise ? Donc, on s'organise au niveau des tournées. Ça fait 2 ans qu'ils ont commencé à faire ça. Donc, ils ont commencé à avoir un réseau assez important donc dans le bassin méditerranéen. Donc ils retournent régulièrement et ils essayent d'élargir ce réseau de personnes qui sont susceptibles d'avoir des semences du coup paysannes à leur fournir. Et à la suite de ça, ils, partent avec le camion et rempli de graines et ils l'amènent à bon port. Et alors moi du coup j'ai aussi une question sur comment ça se passe. Ce camion il permet la projection ou il y a d'autres supports sur place? Et puis je n'ai pas qu'une question en fait. Et quel genre de films sont projetés? Est-ce que n'importe lequel? Est-ce qu'il y a des appels à films aussi qui viennent rejoindre les appels à graines? J'ai pas la liste des films. Oui. Je pense que Zoé et Ferdinand ont beaucoup regardé de films à la fois sur la Syrie et sur les semences. Ils en ont sélectionné plusieurs et ils ont demandé les droits pour les projeter. Donc ils ont le matériel du cinéma numérique ambulant pour leur tournée en France. Et ils utilisent ce matériel-là pour dans les communautés, chez les gens qui vont projeter. Voilà. Et par exemple, je peux citer un ou deux films. Donc, on projette par exemple les Chebabs de Yarmouk. C'est quoi les Chebabs de Yarmouk? Les Chebabs de Yarmouk, pour raconter très, très, très rapidement, c'est un film sur Yarmouk. Donc Yarmouk, c'est un camp de réfugiés palestiniens qui est à côté de Damas. Et en fait, Les Chebabs de Yarmouk, c'est un film qui a été tourné avant la Révolution et sur plusieurs années. Et la fin de son tournage, il me semble, a fini à peu près quelques mois après le début de la Révolution. Donc c'est un film sur la vie de ces Palestiniens dans ce camp de Yarmouk, donc en Syrie. Donc voilà. Et il y a aussi, on projette Anaïs, on va en guerre pour les semences, par exemple. Qui était un super film. Qui est un film super nénette. Voilà. Qu'est-ce que c'est justement, c'est quoi ce film, Anaïs s'en va en guerre? Anaïs s'en va en guerre, c'est un documentaire sur Anaïs. Oui, Anaïs, en fait, elle veut planter. Alors, elle a une ferme, enfin une ferme. Elle vit dans une exploitation. Ouais, elle a une exploitation où elle. Je me rappelle plus exactement. Elle a une petite exploitation et elle a une petite caravane et l'idée c'est que justement elle veut cultiver et elle veut cultiver des semences. Alors elle fait de la tisane et elle veut justement cultiver des plantes paysannes. C'est-à-dire que depuis le début tu parles beaucoup de semences paysannes, mais qu'est-ce que c'est que la spécificité d'une semence paysanne? Est-ce que Monsanto par exemple fait des semences paysannes ou Non, pas du tout. Donc ça c'est des semences hybrides. Et c'est très important de fournir des semences paysannes pour des populations telles que les Syriens, parce que si on leur fournit des semences hybrides, en fait, si on veut la première fois, on les plante, puis la deuxième fois, on veut les planter, et en fait, elles subissent des dégénérescences. Donc, c'est pas très, très intéressant pour des populations qui sont assiégées, comme les Syriens. Oui, donc voilà, peut-être justement revenir un peu... À la Syrie, pourquoi est-ce que c'est important dans un pays en guerre depuis une certaine durée comme la Syrie, pourquoi est-ce que c'est important de développer et de permettre de développer de l'agriculture ultra locale, on va dire. Est-ce que c'est encore possible aussi? Oui, c'est possible. Tout est possible. C'est toujours possible. La révolution syrienne a fêté son 5e anniversaire au mois de mars. La population a énormément de difficultés à survivre. Elle est assiégée de part et d'autre par Bachar, par Daesh. Il y a la population au milieu qui, il y a 5 ans, a crié sa liberté. Donc en syrien, on dit Hurriye. Et elle, en fait, elle subit beaucoup, beaucoup de dégâts au nom de cette liberté. Bachar el-Assad lance des barils sur ces populations. Il n'a pas hésité à utiliser des armes chimiques contre elles. Il y a les bombardements russes. Donc là, on est censé avoir un cessez-le-feu depuis une cinquantaine de jours. Mais en fait, on voit bien qu'en fait, il y a toujours des bombardements. Il y a des villes qui sont complètement rayées de la carte. Et en fait, cette population est là, au milieu, et elle est complètement assiégée. Et en fait, elle a appris à subsister en fait, par elle-même. Donc dans des zones qui sont complètement enfermées. Par exemple, j'avais rencontré un instituteur qui était coincé dans Yarmouk, parce que Yarmouk a été assiégé, et qui en fait avait créé une école dans Yarmouk assiégé. Donc il donnait des cours, il me semble, dans des sous-sols pour les enfants. Donc les Syriens, ils se débrouillent au niveau de l'éducation, au niveau des soins, et au niveau de l'énergie, de la collecte des déchets, comment récupérer les matériaux, mais aussi au niveau de l'alimentation. Il faut savoir que si une zone est assiégée, c'est très difficile d'avoir des produits alimentaires. Et donc justement, faire rentrer ces semailles, ça permet de développer des potagers sur place, c'est ça ? Exactement, ça leur offre une autonomie donc alimentaire, donc c'est bien. Et est-ce qu'il y a beaucoup de potagers en ville ? Est-ce que c'est uniquement pour la campagne ? Les potagers que nous, on approvisionne ? Oui, ou les Alors potagers qui se développent ? C'est très variable. Il y a des potagers en milieu urbain. On a des potagers au milieu des ruines. Les ruines, ça protège bien les potagers. On a des potagers dans les campagnes. On a des potagers aussi des partagés dans les camps de déplacés, dans les camps de réfugiés, aussi bien dans la Syrie même qu'au Liban et en Turquie. Toi, t'es venu comment à ce collectif ? Tu connaissais avant ? T'es agronome ? Pas du tout ? Je suis pas du tout agronome. Je m'intéressais beaucoup à la permaculture et à la vie en autonomie et à ce genre de valeurs. Et mon papa est un spécialiste de la Syrie. Et en fait, j'ai eu envie d'associer les deux. J'étais dans beaucoup d'associations qui aident les Syriens. Et je parlais avec quelqu'un d'une association dans laquelle je suis. Et je lui disais, mais il faudrait vraiment faire entrer des graines en Syrie, quoi. Vraiment, c'est important. Là, je fais rentrer des médicaments, je fais rentrer des produits alimentaires, mais il faut faire rentrer des graines. Et c'est là où elle m'a parlé. Elle m'a dit, mais ce projet existe déjà. Donc c'est là où je suis rentrée en contact avec Zoé Ferdinand. D'accord. Et alors, est-ce que tu conseillerais un type de graines à donner ? Est-ce qu'il y a sûrement des choses qui poussent mieux dans ces territoires-là que d'autres ? Alors, c'est pour ça qu'on collecte dans le bassin méditerranéen. Pour les types de graines, bon, j'en ai quelques-unes chez moi, là. Je peux en citer quelques-unes, je pense. Enfin, on a du chou, des concombres, des tomates, des pois chiches. Enfin, vraiment, on a des légumineuses, des légumes. On a beaucoup de choses très différentes, en fait. Ok. Où est-ce qu'on peut participer ? Est-ce qu'il y a... C'est du don financier, du don de graines, du don de film ? On a fait un appel aux dons qui, là, est clôturé. Donc, on a atteint nos objectifs. On est très, très contents. On est très, très contents. Bravo. Et pour participer, pour donner les graines, en fait, il y a un Facebook qui s'appelle Graines et Cinéma. Et là, en fait, on met la carte de nos tournées collectes. Donc là, on projette les films et tout ça. Donc en fait, quand il y a des... on vous invite à aller sur la page Graines et Cinéma sur Facebook. Et comme ça, vous verrez quand on est de retour en France pour faire la tournée pour les graines. Ok, top. Eh ben, merci beaucoup. J'espère que... Merci à vous. L'appel est lancé. Et puis voilà, Facebook Graines et Cinéma. Merci. Nous, on va continuer depuis la place de la République à vous raconter ce qui se passe un peu à Odéon, puisque, comme vous le savez, l'AG s'est déporté à Odéon ce soir en soutien aux intermittents. Donc voilà, et on a, je crois, un petit reportage sur ce qui s'est passé ce soir. En disant aux gens, le chômeur est déficitaire, tu leur induis une fausse info, même si dans le fond, tu as raison, bien évidemment. Dis cette info-là, faut pas la donner avec ces mots-là. Mais c'est bien ce que je te dis. C'est donc bien ce que je te dis. Puisqu'on n'entend que ça, que toujours, les déficits des intermittents. Tu expliques que, par un schéma très simple, que, évidemment, de façon mécanique, un type qui cotise un peu dans une caisse et dans laquelle... Cette caisse le paye 10 fois plus, il est forcément déficitaire, il est lui. Déficitaire, il coûte plus d'argent que les autres. Il ne coûte pas d'argent. Il coûte de l'argent au moment où il touche, et après ça va être un autre qui va coûter de l'argent. Mais de toute façon, l'autre, il aura cotisé aussi. Mais ça, je suis d'accord. Donc voilà, c'est pas du déficit. Le mot déficit ne me va pas là-dessus. Donc on est devant le ministère du Travail. On va rencontrer les employeurs du spectacle pour voir si un accord est possible sur la manière dont on gérerait l'intermittence pour tous les travailleurs du spectacle, artistes, techniciens, voilà. Ce qu'on peut retenir, c'est que depuis 2003, on a été énormément attaqué. On n'a pas tout perdu parce qu'on s'est beaucoup battu, mais on a perdu quand même sur certains aspects. Et on a encore notre précarité qui s'est vue accrue. Donc le principe là, c'est de retourner à ce que nous avions avant 2003, c'est-à-dire en mode d'indemnisation, et même mieux, c'est-à-dire de gagner une annexe unique, de faire en sorte que artistes et techniciens soient à nouveau réunis dans la même annexe des intermittents. Les mêmes droits, quoi. Et les mêmes droits, puisqu'on essaie de nous diviser encore, les artistes contre les techniciens. On essaye à chaque fois de nous scinder et de nous désigner comme étant des profiteurs. Donc nous, on se bat pour dire non. Quelle ambiance. Et justement, toi, tu traînes beaucoup, tu es beaucoup à Nuit Debout, tu es très souvent présent sur la place de la République. Aujourd'hui, environ 150-200 personnes présentes. Est-ce que le soutien de Nuit Debout qui a été annoncé, tu le sens, ou ce sera peut-être plus tard à Odéon, ou c'est pas ici? Oui, pour un rendez-vous qui est à 17h un lundi, c'est bien qu'il y ait autant de monde. On sent bien qu'il y a ici des gens qui travaillent dans le spectacle, mais aussi plein de gens qui sont venus en solidarité avec cette lutte. Nous, on sent vraiment le soutien de l'ensemble des gens qui ont envie de se mobiliser et de faire en sorte que la convergence des luttes ne soit pas un appel, mais bien une réalité. Il y a des camarades qui sont à l'Odéon. Il y a une négociation actuellement très dure depuis hier soir pour obtenir que nous puissions faire l'Assemblée Générale dans l'Odéon. C'est pas gagné, mais plus on sera nombreux dehors, plus on pourra faire l'AG au pire dehors. Et de toute façon, on continuera à leur dire que c'est dedans qu'on veut que ça se passe. Et là, on va au théâtre de l'Odéon. Parce que, depuis hier, les intermittents et tous les précaires en France, à Paris, hein, dans cela l'occurrence, se sont installés au théâtre de l'Odéon pour faire, revendiquer nos droits. Et ils sont là depuis hier et on va les rejoindre. Et la rue, elle est à nous. Et l'Odéon, il est à qui? Il est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Alors là, on vient de quitter le ministère du Travail, donc au 127 rue de Grenelle, et on part en manif plus ou moins sauvage, mais quand même encadré par les forces de l'ordre. C'est ça, je suis moi-même assez surpris qu'on puisse traverser Paris aussi facilement. Et on va donc place de l'Odéon, où est le théâtre de l'Odéon, où une partie d'intermittents ont pris ce théâtre-là pour le lieu de notre convergence de lutte et de notre travail. Et en disant qu'il nous faut un lieu de toute façon pour qu'on puisse coordonner notre mouvement. A priori avec Nuit Debout, qui délocalise leur AG à cet endroit-là. Donc on y va tous ensemble, voilà. Alors au bout de cette rue, il y a l'Odéon. Donc là, on peut apercevoir les gens sur le balcon qui occupent l'Odéon depuis hier soir. Donc voilà, il y a tout le rassemblement qui s'approche progressivement. On va voir ce qui va se passer, hein. Ouvrez l'Odéon ! Ouvrez l'Odéon ! Ouvrez l'Odéon ! Je veux te demander pourquoi il est fermé, l'Odéon ? On peut pas y entrer ? Non, on peut pas y entrer. Ils l'ont réquisitionné, les intermittents l'ont réquisitionné. On fait la demande à ce qu'il puisse y avoir une AG qui converge, vu la situation actuelle politique. On leur a refusé. Ça fait 24 heures qu'ils sont là. Voilà, c'est inacceptable. Et du coup, nous, on est là pour les soutenir. Parce que moi, personnellement, je suis étudiante. Mais la lutte, elle est partout. Et ça passe par les intermittents du spectacle. Il est important pour nous de rester solidaires. La convergence des luttes, c'est tous les jours qu'on expérimente. Et ce soir, ça va être encore une belle démonstration de notre puissance et du pouvoir de la rue. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont gazé. Ils ont gazé, ils ont gazé devant là. Le CRS? Ouais. Sympa. Cette petite odeur acre. C'est le... Ah là là, c'est ça. Ça y est. C'est dégueulasse. Voilà, les CRS ont pas aimé l'arrivée de la manif sauvage. Ils ont un peu eu peur, du coup ils ont gazé. Voilà, on est à reculer un peu sur les côtés de la place. On a besoin de sérum physiologique. Est-ce qu'il y a des gens qui en ont? Aujourd'hui, l'occupation de ce théâtre, elle ne se fait pas toute seule. Partout en France, des théâtres sont occupés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des étudiants avec nous. Nous avons les écoles d'art mobilisées. Nous avons des intermittents, des précaires, des chômeurs. Et c'est tous ensemble qu'on va faire reculer le gouvernement et Eh bien, nous, sur Radio Debout, on recule pas non plus, on reste là. Et on est cette fois avec Aymeric, mais juste avant, on essaye d'avoir d'autres contacts à Odéon pour savoir ce qui s'y passe maintenant. Et donc, on passe à Aymeric Deguy. 1-2-1-2, test micro, test archivé, ouais, c'est bon, test ADN. C'est bon, ouais, c'est parti. Eh bien, salut les gauchistes, gauchistes contrariés et contrariants de plus en plus nombreux. Nuit de boutistes, bonsoir. Travailleurs, travailleuses précaires et chômeurs longue durée, bonsoir également. Bienvenue en France dans tous ces états d'urgence. Salut Léon, ça gaze. Merci les CRS. Bienvenue en France, pays de liberté non indemnisée, d'austérité normalisée et de précarité banalisée. Je suis donc Aymeric Deguy, le charognard de l'info, dont la tête est mise à prix par Daesh. J'ai les murs de mon appartement tapissés de posters de Bernard Arnault à poil et en jartel. Bah quoi, ça arrive à tout le monde. Et le seul point en commun que j'ai avec Emmanuel Macron, j'aime les femmes cougars. Bah pourquoi pas, hein. D'ailleurs, il a monté récemment un parti qui s'appelle En Marche. Eh bien, Emmanuel, si tu nous écoutes, marche devant nous et on sera derrière toi pour te botter le cul. Mes chers noctambules militants, si je suis là régulièrement à la nuit debout, c'est pour cause d'insomnie et parce que j'aime la bière, les joints, le tam-tam et les jeunes et jolies lycéennes naïves et insouciantes. Non, je déconne, non, ouais. Non, je déconne, hein, c'est, on, enfin, voilà, c'est... Alors évidemment, le mouvement tout à fait inédit et positif en France est bassement critiqué par l'opposition, on le sait bien. Par exemple, on a eu un certain Jean-François Copé qui avait dit que ces gens étaient complètement déconnectés de la réalité. Ok Jean-François, mais c'est pas un peu une déconnexion de faire du copinage avec un mec comme Ziad Takieddine, fraudeur fiscaux, trafiquant d'armes, et faire trempette dans la piscine de sa villa ? Voilà, et pan dans la gueule. Et dans la série, quand la réalité dépasse la fiction, tout ce que trouve à dire une Marion Maréchal Le Pen, la nuit debout, c'est que des fumeurs de pétards. Cette gonzesse, c'est un petit peu la Nabila du Front National. Et ce n'est pas tout, le mouvement Nuit Debout bénéficie de critiques virulentes sur la toile, un marasme provenant de groupuscules complotistes, confusionnistes, antifachos, parano, extrémistes. Alors à tous ces gens, si vous êtes contre ce genre de rassemblement solidaire, positif, contre les prises de parole évolutives et un peu de musique, d'alcool, de rencontres, d'amitié et de sexe si affinité, n'en découtez pas les autres. On campe sur une place, restez à la vôtre. Pourvu que ça dure, cette nuit debout, sans que ça devienne une nuit à genoux, parce que sinon, elle s'essouffle. Mais retenons une chose, quand la nuit debout porte conseil, les ministres corrompus dorment sur leurs deux oreilles. À très bientôt, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner. Merci, une chronique sur Radio Debout. D'ailleurs, on accueille les chroniques, on accueille les reportages, les documentaires. On vous rappelle que demain, nous avons une antenne spéciale avec une partie de 2 heures en direct de La Réunion. Mercredi, toute Radio Debout se délocalise à Lyon, place Guichard, en compagnie de Méga Combi, de Radio Canut et d'un certain nombre de personnes qui tournent autour dans la région. On n'ira pas à Marseille malheureusement, mais les Marseillais, envoyez-nous des reportages à Lille, à Brest, à un petit peu partout en France. On va appeler Julien de l'équipe de Radio Debout qui est en ce moment même à l'Odéon pour qu'on puisse faire un petit point avec lui. Allô Julien ? Allô Julien ? Ouais. Ouais, vous m'entendez ? Ouais, on t'entend très bien. Écoute, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ce qui se passe à Odéon en ce moment ? Alors, moi je suis reparti de l'Odéon, mais ce que j'ai vu, c'est une, on va dire un quartier qui est complètement bouclé par les forces de l'ordre, hein, mais très calme. Au final, on a peut-être 250-300 personnes qui sont postées au devant de l'Odéon. J'y suis resté une petite demi-heure pour prendre la température. Bon, ça chante, c'est plutôt bon enfant. Les gens de l'AG ont annoncé par leur porte-voix que l'AG durerait encore un bon moment de la nuit. Donc pour l'instant, on est resté un petit peu sans information plus précise, mais ils étaient contents de du peu de soutien qu'ils avaient, enfin des soutiens qu'ils avaient pu avoir, des gens qui étaient rentrés, qui avaient apporté des choses, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est la nourrir. Première nuit debout sans AG ce soir, 56 mars ? Je sais pas, moi j'y suis arrivé que assez tard, donc je sais pas s'il y a eu une AG qui s'est tenue qui s'est tenue à l'extérieur de l'Odéon, mais j'imagine que on peut parler d'une AG d'intermittent, qui est une AG, on va dire, plus spécialisée. Donc je ne sais pas si c'est une, si on va aller vers ça, si on va se spécialiser sur des AG par par thème ou par voilà, par sujet. Alors, bien précis pour La situation autour d'Odéon, est-ce que c'est parti en manif sauvage? Est-ce que tout le monde est nassé sur la place de l'Odéon? Comment est-ce que ça se passe? Ben, c'est ça, hein. Tout le monde est massé sur la place de l'Odéon, les gens massé discutent entre eux. On a très peu d'informations hein, sur place, donc effectivement les gens discutent entre eux, et puis c'est, on va dire, c'est un jeu de questions-réponses, enfin de questions-réponses entre les manifestants en bas et les gens qui font l'Odéon là-haut, quoi. Voilà, on se renvoie la balle à coups de slogans et d'annonces assez pour l'instant qui sont pas très claires puisque l'AG a pas encore porté ses fruits, l'AG au sein de l'Odéon. Du point de vue de, on va dire, l'organisation de Nuit Debout, donc cet AG a été annoncé sur les différents comptes Twitter, Facebook, voilà. Mais il y avait pourtant une commission logistique ici présente, prête à organiser une AG sur la place de la République. On a eu l'impression qu'il y avait une petite incompréhension entre au sein même du mouvement. Est-ce que tu as ressenti ça? Je peux pas vraiment te dire ça. C'est pas ce que j'ai ressenti. Enfin, moi, les petites personnes que j'ai croisées en leur demandant s'ils avaient été à République, ils m'ont répondu que le mot d'ordre était de venir à Odéon. Donc, il me semble que l'information est bien passée à ce niveau-là. Après, effectivement, qu'il n'y ait pas d'AG, c'est peut-être un peu surprenant pour la plupart des gens qui sont invités à avoir des AG tous les soirs et de pouvoir s'exprimer. Après. Ben, bon, je te remercie Julien. Rentre bien au chaud, ou viens nous rejoindre au froid sur la place de la République. Si tu peux venir avec un peu de thé chaud, ça serait parfait. Mais on a de la soupe qui vient d'arriver d'ailleurs. Ça marche. On s'améliore. À tout à l'heure. Bonne soirée, à bientôt. Réveillez-vous, c'est Radio Debout. Se réveiller dans une cabane, le vieux rêve d'un certain nombre de ceux qui participent à Nuit Debout. Pas beaucoup de construction en 3 semaines, faut le reconnaître. En revanche, toute une bande, toute une commission qui organise, qui construit les bâtisseurs de la République. Un reportage que l'on écoute maintenant sur Radio Debout. Attention, on est Moi, je veux voir un peu ce que vous fabriquez, les gars. Alors, moi aussi, j'aimerais bien savoir ce que vous fabriquez. Taper, couper, machin, tout qu'est-ce ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pour Radio Debout. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus ce que vous êtes en train de faire? Alors, on fait un truc. Ouais, ça, je vois bien. Déjà, on est à l'atelier construction. Ça, voilà. On a rejoint des copains qui étaient venus sur place, qui avaient ramené du vieux bois de palette, des vieilles roulettes de poubelles qu'ils avaient trouvées pour proposer un atelier construction de bancs mobiles. Je le trouvais très chouette. Et nous, de notre côté, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre? Et on nous a envoyé voir les biblios debout. Et apparemment, ils avaient besoin justement de caisses pour pouvoir stocker leurs livres, des choses qui pourraient assez facilement s'enlever et voyager dans le métro avec eux le soir pour revenir le lendemain matin. Et du coup, on réfléchit à un petit système d'assemblage pour qu'ils puissent emmener les planches sous le bras et ensuite reconstituer des petites bibliothèques tous les matins. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que ce soit démontable rapidement et donc sans vis. Alors on a fait des bouts de... Des quoi? C'est difficile à décrire à la radio. C'est des équerres. Des équerres... D'assemblage. D'assemblage, voilà. C'est mieux dit. Ouais, ok. Je vois. Et on va voir si ça fonctionne. Si c'est, assez voilà. C'est du prototypage, c'est voilà. On a fait un premier test, ça a échoué. On s'y reprend une deuxième fois. Ouais. On va voir si ça fonctionne. Et voilà. Mais on va perfectionner la chose. Ça semble plutôt bien parti. Ça va. Vous nettoyez ou pas? Bonjour. Vous nettoyez, bonjour. Je vous vois en train de peindre ce qui ressemble à un banc. Si vous vous posez trois questions, c'est pour Radio Debout. Bon, allez-y. Alors, ça va servir à quoi? Vous avez utilisé une palette, c'est ça? Pour faire c'est un... ça. Pour faire quoi? Parce que je vois des roues. Moi je participe au niveau de la peinture, au niveau de la palette, mais après, je sais pas ce qu'ils vont en faire réellement. D'accord. Mais c'est quand même une palette avec des roues. Hein, Denis? Non, merci. C'est quoi le but des palettes, après? C'est pour s'asseoir. C'est pas du tout, c'est pour s'asseoir. Et après, je pense que à l'heure de se barrer, parce qu'au moment où on va nous démonter, parce qu'on nous démonte tous les matins, hein, donc c'est comme ça, je pense que ce sera plus facile pour charger toutes nos affaires. C'est ça, parce qu'en fait, je vois les roulettes. Un peu comme au bled, non? Si vous allez au Maroc, en Tunisie, en Algérie, vous pouvez voir ce genre de petites carrossa qu'on appelle ça. Mais c'est ça, et comment on s'asseoir? Si on met à plat. Là, en fait. Là, maintenant. Pour le moment, elles sont en train de sécher. Mais bon, voilà, c'est un banc, quoi. Ah oui, ok, c'est au même niveau. En fait, les roulettes me troublaient, je croyais qu'il fallait en mode deux. Ok. Et après, ben, nous avons de partir avec mettre des affaires dessus. Ouais, voilà, ça va bien. Après, on peut faire plusieurs choses. C'est-à-dire, en les mettant une à côté de l'autre, on peut remettre une tente de camping par-dessus. Ah, je vais le dire. Et donc, comme ça, s'il pleut. Ben, l'eau elle passe en dessous et au moins la tente de camping elle est au sec. Voilà, ça peut servir à plusieurs choses. Les gens me demandent c'est quoi? Ben voilà, c'est ça le type. C'est avec rien et un petit peu de créativité, ben on peut arriver à faire des grandes choses. Une petite solution pour les grands problèmes. Bonsoir, toujours en direct sur Radio Debout. Radio Debout, toujours en direct de la place de la République à Paris. La place de la République à Paris, qui est clairsemée ce soir. Mais on est toujours là. On est toujours heureux et heureuse d'être ici, sur cette place de la République. Il se passe des choses. Même s'il y a peu de monde, il se passe des choses autour de moi. Des gens s'installent, il y a de la soupe qui a été servie, toujours les petites guirlandes. De la soupe d'Élise. Dois-je préciser. Toujours des petites guirlandes sur la table, toujours des techniciens au beau fixe qui sont là depuis le début. Et puis là, nous avons deux compatriotes avec nous qui vont nous interpréter, je pense, un morceau de musique. Donc, bonsoir messieurs. Je parle pas français, moi. Bonsoir. Alors, qui êtes-vous? Je m'appelle Hassan. Je suis avec mon pote qui s'appelle Ziyed. On est là pour faire un petit trick pour... Pour Radio Debout, c'est ça? Voilà. Et alors, c'est quoi un trick? Parce que moi, je sais pas c'est un trick tunisien. Ça veut dire quoi, un trick? Ça, c'est... En fait, c'est avec les... C'est la musique tunisien. C'est une musique tunisienne. Voilà. Donc c'est un rythme particulier, c'est ça? Ouais. Ok, bah on vous écoute. Ah, ok, merci. Merci. On fait un couple. Ça du coup, c'est le meilleur musique tunisienne. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل نجمة واحلى نسمة في ليالي الصيف وانتي فوق القلبي واشنا فيك وحشنا فيها نعمل كيف انتي جناين روحي وانتي دواء لجروحي انتي جناين روحي وانتي دواء لجروحي وتوزع من قلبي التليد كل يوم حبك يزيد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خلتني بحال خطير يا رب ندير باللي خلتني بحال خطير يا رب ندير باللي خلتني بحال خطير دمعي ما يسيل ما حسبتش الايام تدور ليلى يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا رجالة علي عزوز يا بابا يا رجالة زد علي عزوز يا رجالة عجبت الزغوان يا بابا Mars, semaine de la délocalisation sur Radio Debout. Nous sommes en Tunisie, en direct de la place de la République. Demain, nous nous retrouvons, chères auditrices et auditeurs, sur la place de la République, mais aussi à La Réunion. Mercredi, nous partons vers Lyon et dimanche, nous vous emmenons pour un voyage de 12 heures en mars.